Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Mais ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 28. Je procède, avant de commencer cette émission, au rappel traditionnel. Premièrement, si vous souhaitez nous contacter sur notre adresse email, c'est la suivante, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Cette adresse, en fait, vous permet de nous poser une question, de nous envoyer un témoignage personnel, ou bien de nous faire savoir aussi que vous nous avez fait un don, par exemple, et que vous voulez être cité à l'antenne, pour qu'on vous remercie, ou pour toute autre sollicitation. Donc, n'hésitez pas à recourir à cette adresse. Nous vous invitons aussi à vous inscrire sur notre forum eelb.su, Europe Écologie Les Brins, inscription bien évidemment gratuite, et vous pourrez discuter avec tous les membres du forum. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes à peu près à 2300 inscrits, avec un nombre variable de participants, et bien plus encore de personnes qui lisent les échanges. Donc, si vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas, c'est là que ça se situe. Enfin, dernier appel, nous sommes à présent présents, pardonnez-moi de la redondance, sur gab.com, qui est un réseau social américain, mais qui a pour première qualité de garantir la liberté d'expression totale. Comme vous le savez, le réseau V-Contact a éliminé un certain nombre de voix dissidentes en France, que ce soit Alain Soral ou d'autres. Il est donc préférable de se reporter sur ce réseau-là qui, lui, ne censure pas, du moins à ce jour. Hein, voilà. Donc nous y sommes, gab.com. N'aurait pas de mal à nous trouver, je pense. Et n'hésitez pas à y envoyer aussi vos amis. Alors je vais maintenant procéder à la présentation des membres de cette semaine. Ça me fait plaisir de les avoir avec nous. Avec moi, pourquoi je dis avec nous? Je vais commencer avec Pierrot. Comment va-t-il, Pierrot? Salut Gandalf, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien et ça fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi, une petite semaine de pause estivale, hein, cher Pierrot, ça ne fait pas de mal, hein, mais je sais que tu es très occupé par ailleurs. Trop occupé. Fulbert est avec nous aussi cette semaine, j'espère qu'il va bien, Fulbert. Je ne sais pas quel temps il fait par chez toi, est-ce que vous avez un bel été en Belgique ou pas du tout? Été, bonsoir, bonjour d'abord, pardon, à toi et à tous. Bof. C'est comme d'habitude, il y a un mois qui est pourri, un mois qui ne l'est pas, quoi, grosso modo. Changeant, donc. Changeant, oui. Est avec nous aussi Diabolix, je me félicite de sa présence parmi nous. Comment va-t-il, ce cher Diabolix? Merveilleusement bien, j'envisage des vacances le long de la Neva pour des raisons personnelles. Des raisons professionnelles, donc. Oui, c'est cela. D'accord. Est avec nous aussi cette semaine Porovic. Ça me fait plaisir d'avoir avec nous Porovic. Salut Poro. Shalom alaikum à tous. Eh ben, dis-moi aussi, je suis content de passer, vous faire un petit coucou. Ouais, totalement. Hein. J'espère que tu seras inspiré cette semaine. Je pense que ce sera le cas, hein, à mon avis. Est avec nous aussi, bien évidemment. Bon, je ne présente plus puisque c'est quasiment hein, oui, de toute façon, l'autorité spirituelle. Derek, cher cardinal, comment allez-vous en cette période estivale, hein? Ah, oh, cette période estivale, la lumière de l'éternel brille de mille feux, hein, sur toute Nantes. Ah, oui. Oui. Hein, donc, très, très, très bonne semaine. Très, très bonne semaine. Une excellente semaine, donc. Semaine se placer sous le signe de la foi. De la foi, effectivement. Nous allons en reparler, cher cardinal. Alors, avant d'entamer cette émission, j'aimerais remercier nos donateurs qui se sont manifestés ces 2 dernières semaines, puisque nous n'étions pas là. Donc j'ai un premier donateur qui a tenu à nous envoyer ce petit message. Bonjour, je vous ai envoyé un don de 2,1 monero le 21 juillet 2020. Longue vie à vous tous et d'épée pour 1000 ans. Et c'est le maître nageur de la piscine d'Auschwitz qu'on connaît, un mécène de l'émission. On le remercie beaucoup. Don numéro 2, je viens de réaliser le plus noble investissement de ma vie. Il s'agit de 0,35 Monero transféré à DP. Je compte recevoir 100 euros bientôt dans mon compte Monero et je pourrai l'envoyer d'ici quelques jours, mais je préfère l'envoyer 4 semaines plus tard. N'hésitez pas à me prévenir si vous voyez une utilité de l'envoyer plus vite. Par exemple, si vous avez besoin de fonds pour faire face à des attaques en ce moment. Oui, on en reparlera. Longue vie à DP et c'est signé Fantôme. Merci à toi, cher Fantôme. Don numéro 3. Chers amis, pour vous aider dans la cause et vous remercier de votre travail, je vous ai fait un virement de 0,25 Monero. Cela m'a pris un temps inavouable pour y arriver, mais je suis heureux de savoir le faire désormais. Par ailleurs, j'ai écouté vos différents commentaires sur Nantes et je ne peux que partager votre constat depuis la présidence de Hollande en particulier. En particulier, cette ville dans laquelle il faisait vraiment bon vivre entre blancs est devenue un coupe-gorge du tiers-monde. Enfin, en réponse à votre auditeur étudiant à Nantes, oui c'était une émission précédente, hein, qui a dû abandonner face au gauchisme et à la crasse raciale ambiante, je voudrais donner une lueur d'espoir. En droit, je n'ai pratiquement pas vu de race du Sud, au moins à partir de la licence. C'est probablement une piste à explorer. De plus, ces filières ont besoin d'hommes, afin d'éviter qu'elles ne se transforment en gigantesques fabriques à secrétaires. A bientôt, et c'est signé Félix Berlin. Alors messieurs, commençons l'émission, hein, à proprement parler, avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Alors un premier courrier qui est assez ludique, dirais-je. Le voici. Chers amis, je vous écris pour vous faire part de news concernant la ville de Tours. Très récemment, 2 sales crouilles se sont permis d'importuner une princesse arienne, accompagnée de son homme et de 2 amis. Comme vous vous en doutez, ces animaux n'ont pas pu s'empêcher de lui mettre une main au cul. Je dois bien dire que je suis surpris de les voir attaquer en infériorité numérique, eux qui d'habitude ne commencent à y réfléchir qu'à partir de 50 contre 4, avec les jambes cassées et une main dans le dos bien évidemment. Toujours est-il que ces immondes boucaques ont subi de plein fouet la juste colère arienne. Le premier fut tailladé avec un tesson de bouteille et est actuellement à l'hôpital. Le second a vu sa cheville se briser dans la fuite. Une bonne blessure de lâche s'il en est. Mes sources m'ont permis de connaître les intentions de nos frères de race. Ils ne veulent pas porter plainte de peur d'être emmerdés par les antifas qui nous servent de magistrats. Sage décision à mon sens. Pour terminer par la présente, je vous demande officiellement de décerner une croix de fer de première classe à ces nobles ariens. En espérant que cela encourage... Oui. Tout est bon à prendre en cette sombre époque que nous traversons. En vous remerciant pour le travail que vous abattez, et avec toute ma considération, à Hitler. Et c'est signé Charles Bartel, que l'on apprécie particulièrement. Alors bon, ce n'est pas un commentaire qui doit susciter nécessairement de très long développement, mais enfin, je me suis dit que ça pouvait mettre tout le monde en joie de savoir que bah, des Blancs se sont courageusement défendus et ont discipliné des Maghrébins, somme toute, insolents. Ça fait plaisir, moi je me dis que ça me faisait plaisir. Ouais, moi, c'est beau, mais rare. Ouais, moi je note surtout qu'ils ont compris qu'aller voir les flics, ça ne servait à rien, hein, à part... les flics ne sont pas là pour nous, Oui. Ça, c'est bien, les gens le comprennent. Enfin, les Il gens, en tout cas, l'intègre qui ne se laissent progressivement, pas. Les gens qui ne se font pas marcher dessus par les Arabes, ils savent, hein, ils savent que les flics sont là pour les faire chier eux. Hein, parce que quand tu es capable de te de mettre défendre, en les fait, Arabes hein. en déroute, hein, ce qui est assez facile, quand tu es en nombre normal, on va dire, tu sais que ton problème, c'est les flics. Si t'en touches un, tu vas aller en prison. L'Arabe, si lui il va en prison, c'est pas grave. C'est le Club Med, il va jouer à la PlayStation, c'est peinard. Il va rien foutre comme d'habitude. Mais toi, tu vas perdre ton boulot. Si tu as une famille, on va te retirer tes gosses. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc, très bien, n'allez pas voir les flics, surtout. Ce ne sont pas nos forces de l'ordre, ce sont les leurs. Oui, voilà, non, mais c'est la bonne nouvelle, quoi. C'est la bonne nouvelle. Je suis d'accord avec Derek. Oui, ça sert à rien d'aller porter plainte parce que ça va se retourner, en fait, contre vous. Parce que le bougnoul va évidemment. Offrir sa version des faits, parole contre parole, ça mène à rien. Ah, mais il va montrer la taillade, il va montrer la taillade, il va voilà. dire oui, ben voilà. On a attenté à ma vie, on a tenté de me tuer. Bien sûr, bien sûr. Il a dit ça à l'arabe, bien sûr. Il est raciste, monsieur, moi je n'ai rien fait, je viens d'Algérie, toute ma famille est ici, je cherche du travail, je n'ai rien. Ici, je vois une jolie femme, je lui mets la main au cul, histoire de faire une soirée correcte. On me tombe dessus, on m'agresse, c'est pas bon ça! C'est ça, voilà. Normalement, à la fin de la tirade, il y a aussi j'y suis plus français que toi. Normalement. Hein. Non, mise en scène, ils ont libéré la France. Aussi. Ça, hein. Grâce à moi, on parle pas allemand, hein. Au début de la bagarre, c'est sale français, retourne dans ton pays. Oui, alors, monsieur. Donc voilà, c'était le courrier sympa pour se mettre en bouche. Alors, courrier un peu plus conséquent, qui fait suite en fait à notre émission où nous avons abordé le Béhour, vous en rappelez? Suite à mes, oui. à mes questionnements, eh bien nous avons des précisions. Alors, voici ce qu'on nous dit un de nos auditeurs. Chers camarades, c'est moi qui vous avais déjà envoyé un courrier sur le traitement du Béhour dans les médias il y a quelques mois. C'est vrai, tout à fait, c'est juste. Comme le sujet est relancé, je prends à nouveau la plume pour répondre point par point aux questions soulevées dans la dernière émission. Sur les races de boue et lesbiennes à cheveux bleus. Sachez que ces spécimens ne sont aucunement exclus de ce sport ancestral. Les noms blancs restent très rares, sans doute car le Béhour en appelle directement à nos racines européennes et à un certain atavisme, hors de leur portée. On trouve cependant en France deux ou trois mulâtres et de vagues arabes se fondant dans la masse. Étant en présence d'une écrasante majorité de mâles blancs dominateurs, inutile de vous dire qu'ils ne posent aucun problème. Leur personnalité de base est nécessairement exceptionnelle et adaptée, ce qui d'ailleurs les conduit à un sport comme le béhour qui resterait inaccessible à la grande majorité de leurs frères de race. On citera notamment le Adrian Russell aux USA, ancien joueur pro de football américain noir, qui s'est illustré dans le 21 contre 21 du championnat du monde en 2013 face aux Russes, encaissant une pluie de coups de hallebarde contre la barrière sans broncher. Les lesbiennes à cheveux bleus sont-elles aussi présentes dans certaines équipes féminines? Il y a en Béhour, comme dans tout sport, une catégorie féminine où les femmes combattent entre elles suivant les mêmes règles que les hommes. Il s'agit d'une minorité de camionneuses à cheveux courts qui assument leur homosexualité en Occident mais ne la proclament pas lorsqu'elles viennent des pays de l'Est, bien qu'on les reconnaisse du premier coup d'œil. Côté culturel, le côté historique et patrimonial du Béhour est indéniable, tant dans la pratique qui remonte au tournoi de chevaliers du XVe siècle, à ne pas confondre avec la joute, sorte de duel où l'on se percute à la lance, qui se pratiquait en équipe, dans une lice close, avec des armes émoussées, comme aujourd'hui. Cependant, la première motivation des pratiquants se résume en un mot, la bagarre. Le côté culturel vient en second, pour la plupart des gens. Certains ont très peu de connaissances historiques et prennent les règles concernant le matériel comme un truc chiant dont ils se passeraient bien plutôt que comme un hommage à leurs ancêtres et une démarche d'authenticité. Il faut néanmoins noter que le Béhour amène justement des bourrins à s'intéresser à l'histoire et à mieux prendre conscience de la grandeur de leur pays. Si certains ont une connaissance de l'histoire plus approfondie, ils ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit. On trouve des chauffeurs routiers, bûcherons ou manutentionnaires n'ayant pas fait d'études supérieures capables de retracer avec précision la campagne de Bertrand du Guesclin en Espagne ou de dater l'enluminure d'un manuscrit du premier coup d'œil. On peut ainsi affirmer que le béhour est un facteur d'enrichissement culturel qui dépasse les prédispositions socio-culturelles. Matériel. Le matériel utilisé n'est, la plupart du temps, pas fabriqué par les compétiteurs eux-mêmes. Les armes et armures sont achetées à des artisans spécialisés. Certains utilisent les techniques de fabrication anciennes ou traditionnelles, tandis que d'autres, plus accessibles en termes de prix, ne forgent pas vraiment et pratiquent la découpe au laser. On trouve divers sites internet et pages Facebook proposant du matériel adapté, principalement dans les pays de l'Est. Les forgerons et batteurs d'armure russes, ukrainiens et polonais sont ceux avec le plus d'expérience et de savoir, ainsi que ceux offrant le meilleur rapport qualité-prix. Il existe aussi quelques fournisseurs en France. L'entretien est, lui, effectué par le combattant, ainsi que les réparations simples. En termes de coût, comptez 1 500 € pour une armure d'occasion et 3 000 € pour une armure complète sur mesure de bonne qualité. Les matériaux vont de l'acier trempé, pour la tradition, au titane, pour les compétiteurs les plus optimisés. Outre les règles de combat, le béhour comporte tout un volet de règles d'historicité des équipements. Ces derniers, en plus d'être suffisamment protecteurs, épaisseur, type d'acier, rembourrage, etc., sont détaillés et contrôlés par les arbitres, doivent impérativement correspondre à des sources historiques provenant de l'archéologie ou de l'iconographie médiévale du XIIIe au XVIe siècle. Pas question donc d'utiliser des armures fantaisistes. En outre, les éléments d'armure utilisés doivent s'inscrire dans une fourchette temporelle de 50 ans et être tous de la même région. Ainsi, il est impossible, par exemple, d'utiliser un casque mongol du XIIIe siècle avec des gantelets milanais du XVe siècle. Un comité spécifique est chargé de cet aspect du sport au sein de la Fédération internationale. Et ses représentants dans tous les pays veillent à l'application des standards d'historicité de plus en plus stricts sur les compétitions officielles. Quant à la volonté de quelques institutions d'inclure du nègre, la Fédération française de béhour n'est pas encore concernée par ce problème dans la mesure où elle n'est pas reconnue par le ministère des Sports. Des subventions lui sont ponctuellement allouées par des communes de droite ou du centre, sans exigence particulière de ce côté. Le Centre des Monuments Nationaux a aussi eu recours au béhour pour mettre en valeur des monuments médiévaux comme le château de Vincennes, le château de Pierrefonds et la cité de Carcassonne. Tout dépend de l'administrateur et de son goût pour la discipline. Pour certains, on a déjà entendu que c'était trop beauf, trop facho, les fleurs de lys, ou que c'était un spectacle type Interville, indigne de leur monument. Lorsqu'une mairie passe à gauche, les subventions et projets relatifs au béhour sont systématiquement supprimés. Pour ces institutions, le béhour est avant tout une animation spectaculaire attirant un public familial en grand nombre, avec un côté historique. On notera que la principauté de Monaco en est très friande. Quant à l'atmosphère, elle est effectivement unique et comparable à celle du rugby de nos terroirs. Côté combattant, le fait de pratiquer le combat en équipe apporte une camaraderie fraternelle où l'on se met en danger physique direct face à des types déterminés à vous soumettre à coups de barre de fer dans la gueule. Il faut être sacrément déterminé et courageux pour y prendre du plaisir et se dépasser pour remporter la victoire. Dans les pires moments de douleur, lorsque l'on subit seul dans la barrière, on pense à ses coéquipiers qu'on ne veut pas laisser tomber, et c'est ce qui permet de tenir et de s'arracher, même face à des types plus costauds et plus nombreux. En dehors de la lisse, on picole et on se chahute jusqu'à tard le soir, on compare les hématomes et les points de suture, dans une ambiance virile où ne sont dignes de respect que ceux qui ont fait preuve de bravoure, de force et de résistance. Dans les tribunes, on distingue les familles des fans. Les fans suivent le béhour sur les plateformes en ligne et viennent pour profiter de leur passion. Ils connaissent les équipes, reconnaissent les combattants, ce sont souvent des métalleux, des geeks ou des droitards péchus, avec ça souvent de familles venues pour la sortie du dimanche, qui découvrent et sont souvent surprises de voir que le combat est réel. Ils apprécient eux aussi le spectacle, en mode « Regarde Loulou, il est tombé le chevalier !» J'aime à penser que ces différents types de publics sont tout autant influencés par les valeurs de la chevalerie française et son esthétique si poignante. Sur la côte de Maille, évoquée par Gandalf, figurez-vous qu'elle est exclusivement fabriquée par des chieurs de rue en Inde et au Pakistan, puis achetée par les artisans européens pour être revendue. En effet, elle est tellement longue à faire qu'il n'est pas du tout rentable de la fabriquer en Europe. En Béour, elle n'est utilisée que sur le coltin des casques. Certains Européens la fabriquent néanmoins eux-mêmes car ils pratiquent la reconstitution historique où une grande partie de la démarche est de faire les choses soi-même. À propos de Patrice Carteron, en Béour, il ne s'est pas encore manifesté, même si d'autres pros des sports de combat ont déjà rejoint la danse. Cependant, ce nègre ridicule de Ménélic, le chanteur de Rest Cool Baby, sinon je te dirai bye bye, a eu le droit à sa propre initiation télévisée. Donne le lien vers la vidéo YouTube, c'est très édifiant. VMA, cardio qui explose. Comme le disait McDav, je ne connais pas de sport plus intense que le béour qui demande de courir, sauter, pousser, tirer, frapper, et souvent en plein soleil, le tout avec plus de 25 kg de laine, de cuir, d'acier sur le dos, lors de compétitions durant souvent 2 jours entiers, avec en général une dizaine de matchs par équipe par jour. Quand je dis à des badauds que les rounds durent maximum 5 minutes, ils répondent souvent « Ah, c'est tout !» Or, l'épuisement de 5 minutes de combat ininterrompu en armure complète est indescriptible, surtout quand on n'est pas au premier combat de la journée. Dans la catégorie la plus populaire, le 5 contre 5, chaque équipe ne dispose au maximum que de 3 remplaçants qui peuvent entrer en lice à la place de leurs coéquipiers les plus fatigués ou blessés entre les rounds. Il faut donc régulièrement enchaîner les rounds sans être remplacé. On imagine ainsi ce que risqueraient les nègres qui s'y essaieraient, ces derniers ayant pour la moitié d'entre eux la drépanocytose ou des malformations cardiaques congénitales à la George Floyd ou Adama Latata Traoré. Pour ce qui concerne les rôles semblables au MMORPG, on retrouve effectivement des rôles semblables dans les tactiques habituelles du béour qui varient selon les poids, les armes, les tailles et les prédispositions des combattants. Les rôles classiques sont tank, runner, donc le coureur, le astier, celui qui manie de longues armes d'ast comme les halbardes ou les vouges, et les punchers, c'est-à-dire les frappeurs. Cet aspect a d'ailleurs récemment fait l'objet d'un article complet sur le site de la Fédération française de béour. Et le site en question, c'est combatmedieval.com, comme ça se prononce. Donc si ça intéresse nos auditeurs, ils peuvent s'y référer. Que je vous invite à aller voir pour en apprendre davantage sur ce beau sport, derrière une manifestation autorisée de la force vitale de l'homme blanc en France. On approche de la fin de ce courrier, très riche. Une liste des clubs par région y est disponible, pour ceux d'entre vous qui voudraient s'y essayer. Accueil chaleureux, garanti. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je pourrais par exemple, dans un prochain courrier, vous en apprendre plus sur les championnats du monde, sur l'état du béour dans les autres pays et continents, etc. Je vous remercie de la part de tous les démocrates du béour français, ils sont nombreux et pas des moindres, d'avoir mis notre passion à l'honneur dans cette émission hebdomadaire qui nous est si chère. Vive la République démocratique de Bourgogne-Sieg Heil. Alors, chers auditeurs, on va se contenter de Grande Bourgogne Blanche ou de République Blanche de Bourgogne. Petit côté démocratique, peut-être, à moins qu'on l'entende sous les termes qui nous sont habituels, c'est-à-dire démocratie participative, éventuellement. Mais oh, le oui, message est reçu. La démocratie. Tout à fait, tout à fait. Alors, messieurs, bon, ça nous fait plaisir hein, d'avoir un retour très détaillé sur toutes les questions qu'on avait. On se pose la question, hein, parce qu'on n'est pas du tout versé là-dedans, mais moi, ça m'intéressait. Je voulais justement que des gens qui le pratiquent puissent présenter leur sport et leur passion à nos auditeurs, et c'est chose faite, et je m'en félicite. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a un point qui a plus retenu votre attention qu'un autre ? Bah, une constatation générale, c'est-à-dire que quand une discipline ou un mouvement reste marginal, on va très souvent y trouver surtout des hommes blancs et très peu du reste. Et mais généralement, voilà, ça reste quelque chose de très confidentiel parce que dès que ça se développe, Tout de suite, évidemment, l'État s'en empare, il y a des faits qui se créent, et là, c'est parti. Et voilà, c'est pas vraiment la marginalité, c'est surtout que, comme l'a expliqué notre auditeur, la fédération nationale n'est pas reconnue par l'État. Donc quand l'État ne vient pas foutre sa merde au milieu, eh bien les choses se passent bien en fait. Hein. Tu as une bonne ambiance, tu as des gens normaux qui sont là. Si l'État venait à agiter sa bourse pour le Béour, ça serait au prix de ventilation de nègres, de transsexuels, etc. etc. Hein. Là, il faut faire attention hein, quand tu reçois de l'argent de ce truc là. Donc là il y a des coins encore sains en France, des petits coins des collectivités quoi, avec des maires qui ne sont pas de gauche hein, bien entendu. Et bon bah oui c'est la décentralisation hein. Dès que tu as quelque chose de décentralisé où l'État ne met pas sa main, ça fait un truc, tu as quelque chose de sain. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit, les gars, à propos de, comment dire, de cette idée de l'ingérence gouvernementale, étatique, comme on dit souvent en France, publique, pudiquement. Et effectivement, on le retrouve dans l'enseignement. Si vous intéressez à ceux qui veulent développer des formes d'enseignement libres, c'est-à-dire soit pour une pédagogie, parce que vous avez des gens qui veulent, par passion, parce que vous avez des gens qui sont passionnés par l'éducation, hein, c'est vraiment leur truc, et qui veulent avoir carte blanche pour aider les enfants à apprendre, bon, ils veulent un certain type d'école. Vous avez aussi des écoles qui sont à caractère religieux et qui tiennent beaucoup à la transmission d'un certain nombre de valeurs, bien sûr, au premier chef, les écoles chrétiennes et catholiques. Et puis, vous avez aussi les écoles, ce qu'on appelle les écoles régionales, dont le principal objectif est la transmission de la langue de la région concernée. Donc, ça peut être il y a de quoi faire, hein, mais il y a l'Alsace, le Pays Basque, bien sûr, la Corse, la Bretagne et d'autres. Ces écoles-là tiennent beaucoup à leur liberté. Et de toute façon, on ne leur laisse pas le choix, puisque, comment dirais-je, ce qu'elles veulent transmettre, que ce soit la pédagogie, que ce soit les valeurs ou que ce soit la langue, n'est pas toléré par l'État, qui envoie immédiatement ses inspecteurs, régentés, gendarmés, souvent avec une dimension politique, ce qui se fait. Donc, ce qui est vrai pour l'éducation des enfants est totalement vrai pour tous les aspects de la vie sociale en France. C'est un des aspects qui est peut-être les plus sous-estimés, je trouve, dans le débat, politique. C'est à quel point la société a été étatisée ces 50 dernières années. C'est un phénomène de fond hein, qui a commencé en fait avec à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quand les ouvriers ont commencé à s'organiser en se dotant d'associations, de syndicats, de coopératives, etc. Et ça partait d'une très bonne intention, bien sûr, mais là où ça a été vicié, c'est que quand les socialistes et les communistes sont venus au pouvoir, en France, à plusieurs reprises, sous le Front Populaire, et encore plus sous Mitterrand, où là, ça a été très très fort, l'État, avec la complicité d'ailleurs de ceux qui créent toutes ces organisations dans la société civile, a mis la main dessus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, enfin, maintenant qu'on a une majorité de gauche au pouvoir, l'État va nous aider, il va nous aider financièrement, il va soutenir les initiatives. Et quand c'est pas l'État, c'est le département, la région, la commune, etc. Et il y a eu un phénomène massif d'étatisation de toutes les initiatives privées, du domaine privé. Et malheureusement, c'est devenu la règle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez qu'à vous intéresser à la chose, il n'existe pratiquement pas d'initiatives sportives, c'est-à-dire qui soient privées au sens strict, le plus strict du terme. Ça n'existe pratiquement pas. Tout a été étatisé. Donc l'État devient l'arbitre. Or, l'État, n'est pas neutre. Par la force des choses. Il est totalement idéologique dans ses démarches, dans ses initiatives et dans les subventions qu'il donne à tel ou tel, ou qu'il ne donne pas à tel ou tel, ou qu'il retire. D'ailleurs, c'est ce que nous dit très bien dans ce courrier l'auditeur. Il nous dit, voilà, quand il y a un basculement dans une commune et que cette commune voulait soutenir le sport du Béhour, avoir un tournoi, etc., eh bien, quand ça passe à gauche, c'est supprimé, pour des raisons évidentes, je ne veux pas revenir là-dessus. Et ça, c'est très malheureux. C'est très malheureux, l'étatisation est très malheureuse, mais ceux qui ne cèdent pas à l'étatisation disposent d'une très très grande liberté. Et moi, je pense que ce soit dans l'enseignement, et que ce soit dans le sport, et dans d'autres domaines, la liberté vaut toujours mieux que plus d'argent. Parce qu'en fait, vous aurez de l'argent, oui. Si vous baissez le genou, si vous décidez de suivre la ligne, mais vous ne serez plus maître de votre projet, de sa philosophie, et de vos actions. Donc, je ne vois plus vraiment l'intérêt, si vous êtes un passionné, si vous voulez vous investir totalement dans quelque chose, je ne vois pas vraiment l'intérêt, pour des rallonges budgétaires, de devenir finalement un spectateur de ce dont vous étiez auparavant un acteur. Bon, voilà, donc moi je pense que là, il y a une question vraiment d'approche, de philosophie, mais c'est très très prégnant, et en plus, comme l'État, avec cette subventionnite aiguë qui le traverse, a tellement de pognon, ça crée aussi des jalousies. Je veux dire, quand vous êtes là, vous essayez d'exister, d'organiser, de monter un truc en toute indépendance, et que vous voyez à côté des festivals de reggae pourris, où il y a tous les camés qui viennent, et que le truc est ultra subventionné, vous avez un peu la rage. Vous dites, putain, merde, nous on se fait chier, on fait un truc propre, dans tous les sens du terme, et finalement on n'est pas encouragé. Regardez les autres pouilleux là, eux, à peine ils se baissent, tout de suite on déverse du pognon sur eux. Et on a tendance à se dire, bah moi aussi j'en veux. Simplement par réflexe, vous voyez, de dignité. C'est, je pense, pas une bonne approche. C'est ce que je voulais dire, hein, sur la question de l'indépendance et de la tendance très lourde du gouvernement français à vouloir fourrer son nez dans tout ce qui se fait en France, dans la société. C'est voilà. Gandalf. Ouais. Excuse-moi, mais il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'État, quand il arrive dans un sport, arrive effectivement avec du pognon, ça c'est la carotte. Mais le gros problème, et tu peux le remarquer très facilement, par exemple, dans tous les sports dits sports de combat, donc c'est judo, aïkido, jiu-jitsu, karaté, tout ce que tu veux, il faut bien se rendre compte que la puissance de l'État est telle qu'à l'heure actuelle, le gars qui a une école de ce genre d'activité ne se permettra jamais de donner autre chose que des cours, je vais mettre des guillemets, soft. Pourquoi ? Parce que s'il venait à entraîner réellement les gens à ces sports de combat, il est clair que dans la seconde qui suit, il a la fédération qui lui tombe sur la gueule et sa licence saute. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on voit toujours l'éducation nationale en France et le système français, la régulation des sports en France. N'oublions pas que pour le domaine sportif, on a toutes les réglementations olympiques, et puis n'oublions pas non plus que nous avons à Bruxelles l'Union européenne. Et que, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas que ça a changé, l'adjoint direct du commissaire européen au sport, si mes souvenirs sont bons, c'est un Breton. Donc en fait, dans la normalisation générale du sport, on n'a vraiment pas intérêt à être reconnu au niveau de l'État ou au niveau de quoi que ce soit si on veut rester libre. Maintenant, si on a absolument besoin de pognon, ben c'est clair qu'on a la carotte. Mais la carotte, le gros problème, c'est que ça veut dire qu'il va falloir se plier au système de l'acceptation de toute une série de normes parfaitement débiles. Un exemple extrêmement simple, quand l'airsoft a débuté, il n'y avait pas de fédération. Et ça se réglait d'une manière absolument extraordinaire. Aujourd'hui, dans l'airsoft, tu as une chier de règles absolument extraordinaires, des obligations d'assurance, de tout ce que tu veux. et on a fait rentrer dans l'airsoft tout et n'importe quoi. Et dans le tout et le n'importe quoi, ça veut dire que maintenant, tu as des gars, alors je ne sais pas s'ils sont membres de la fédération LGBT, mais quand tu les vois débarquer en uniforme, tu as l'impression d'avoir des gonzesses qui vont à un défilé de mode. C'est à pisser de rire. Mais maintenant, ils sont reconnus par l'État, ils ont leur fédération, ils ont leur pognon, et en avant, ça coule à flot, tout le monde s'amuse. Moi, je suis un fan de paintball, et ancien pratiquant moi-même, hein, mais les sports sont proches, ceci étant dit. Et oui, tu as raison, parce que, moi j'ai connu les débuts du paintball, et c'était amateur. On organise ça encore organisé entre amis, heureusement. Hein, bon. Mais effectivement, il y a toujours la tentation de tout organiser, comme ce qu'on a décrit. Quoi. Et moi, je pense vraiment que, de toute façon, finalement, tout ce qui est sous-jacent à notre propos ici, et je crois que c'est un mouvement de fond dans la société, en tout cas chez les Blancs, c'est la recherche de la liberté. On cherche des espaces de liberté, face justement à un état, un système de plus en plus paranoïaque qui veut tout savoir, tout surveiller, tout contrôler, tout interdire. Hein, je veux dire, moi, ce qui me frappe beaucoup depuis un certain nombre d'années, c'est quand vous ouvrez un journal ou que vous allumez la télévision et qu'il y a un bulletin d'information. On vous explique ce qu'il n'est plus possible de faire, mais on vous dit très rarement ce qu'il est possible de faire. On vous propose très rarement de nouvelles libertés, sauf pour toute petite catégorie de la population, notamment les fiottes, auxquelles on ouvre de nouvelles libertés. Mais pour ce qui concerne l'écrasante majorité de la population, ce n'est qu'une interminable litanie d'interdictions nouvelles de tous ordres. Et donc, je crois qu'il y a une vraie demande d'espace de liberté. Moi, je pense qu'il faut l'encourager. Et si ce sport-là, qui est le béhour, permet à des jeunes blancs, à des jeunes, peut-être même aussi des blancs d'un âge un peu plus mûr, de profiter de leur liberté tout en étant créatifs et en se dépensant, ben c'est très bien. C'est très bien. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des sports qui soient des sports libres. Voilà. C'est ça que je voulais souligner, en tout cas à titre personnel, dans tout ce qui a été dit. Il y a un autre point, alors là, plus technique, là on est plus dans la pratique du sport, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est la précision des règles de leur fédération, qui consiste à dire qu'on ne peut pas mélanger du tout les genres, les types d'armement. C'est-à-dire on peut pas picorer, quoi, hein, on ne peut pas prendre un truc qui nous plaît dans un endroit, un truc, parce que on se situe dans l'époque en question, c'est-à-dire on dit, voilà, je suis un chevalier, je ne sais pas, du nord de la France au 15e siècle, bon, je ne suis pas nécessairement au courant, et je n'ai pas nécessairement les moyens de savoir qu'il y a un type d'armement plus efficace, enfin, je veux dire, un équipement plus efficace dans la région de Milan, à la même époque. Donc je choisis une région et je me cantonne aux normes de l'armement de cette région. Totalement, avec les plus et les moins. Ça c'est sympa, ça me plaît beaucoup. J'aime ce côté fidélité historique au plan technique. C'était juste une aparté que je voulais faire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'a dit notre auditeur? Il y a eu un certain nombre de points. Il y a aussi la dimension de la diversité. Bon, ça, il nous dit, voilà, c'est exceptionnel. Ça, ouais, c'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique, donc ça, c'est pas vraiment un problème. Il y a différents types de publics, intéressant ça aussi. Il y a des geeks, il y a des droitards bontins, il y a des passionnés, alors là pour le coup du sport, qui suivent ça, qui viennent. J'aurais aimé poser la question, mais je n'ai pas la réponse, mais comme ils nous sollicitent, peut-être. La question c'est de savoir, moi c'est ce que je poserais comme question, c'est quel est le moment dans l'année où il faut se rendre à un tournoi de béhour pour vraiment apprécier. La meilleure partie quoi de ce qui se fait, c'est-à-dire le moment le plus intense avec les meilleures équipes, etc. Et c'est là il y a vraiment le plus d'enjeux, quoi. Je présume que c'est les championnats du monde, mais il nous répondra. Et si oui, ça se passe quand, où, est-ce que les Français auront la chance d'avoir un championnat du monde pas loin de chez eux, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, voilà. Enfin, je serais assez curieux de dire, voilà, est-ce qu'il y a un temps fort? Je pense que oui, ça tombe sous le sens, mais... Et qui est un peu immanquable pour quelqu'un qui a envie de voir, en tant que spectateur, je précise. Voilà, ça c'est la question que je pose, parce que je suis quand même très curieux de tout ça. Quelqu'un veut-il soit poser une question à notre auditeur, soit simplement faire une remarque? Oh, c'est bon. Oui, moi je conseillerais, si jamais il y a quelqu'un qui propose dans le Béour de faire une fédération nationale, bah, vous prenez une hallebarde ou une épée et vous lui fracassez la tête. Il y a une fédération. Il y a déjà des fédérations. Mais elle n'est pas étatisée. Mais surtout, non. Oui, mais voilà. Une fédération reconnue par l'État français, évidemment. Voilà. Ouais, ouais, il faut faire gaffe aux gens qui disent oui, il faut l'État, reconnaissance, etc. Bon, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Non. On va dire non. Alors, merci à notre auditeur. J'espère qu'un certain nombre de ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes et qui ont envie de découvrir un nouveau sport s'y intéresseront. Je les y encourage vivement, même si je ne pratique pas, par évidence, mais enfin, ça me semble être assez exaltant comme pratique. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, autisme radical. C'est assez divertissant cette semaine, je ne vous le cache pas. Nous allons nous tourner vers Lyon, hein, la capitale des Gaules, jadis. Ah oui. Jadis, maintenant ça change. Mais enfin, elle détient toujours le titre. La capitale des Gaules, où se situe une école d'exception. Une école d'ailleurs qui fait de plus en plus d'envieux. C'est l'ICEP. L'ICEP que vous connaissez ou ne connaissez pas, mais si je vous dis que c'est l'école de Marion Maréchal, anciennement Le Pen, vous connaissez du coup cette école. Alors, c'est quelque chose qui a quand même refait surface régulièrement dans les médias, que ce soit dans la presse conservatrice, hein, pour reprendre un mot très à la mode, ou que ce soit tout simplement dans les médias mainstream, vraiment, qui nous en ont parlé. Cette école devait finir par accoucher de talents, puisqu'on nous disait qu'elle était faite pour former les futures élites de la France nouvelle, donc. Et alors, nous avons un lauréat, je vais pas dire que j'espérais d'en voir un, puisqu'à vrai dire, je ne m'intéresse pas trop à l'actualité de cette école, mais enfin, bon, quand même, on nous en présente un, et alors, pas des moindres, ça m'a même assez surpris, c'est un député, alors... C'est un homme politique, de premier plan, nous allons l'écouter tout de suite, et nous retrouvons pour en parler. Bonjour, je m'appelle Frédéric Nzoué-Edzan, je suis député à l'Assemblée nationale du Gabon. Ma participation à la formation continue de l'ICEP a été motivée par le fait qu'étant nouveau dans le monde de la politique, j'avais besoin de parfaire mes compétences en sciences politiques et en gestion des projets. La formation continue de l'ICEP m'apporte des outils et des méthodes qui me permettent de mieux structurer mes idées, de parfaire mon travail et surtout d'être capable d'analyser toute situation, quel que soit son degré de difficulté. J'ai appris la direction des hommes, notamment le leadership et la gestion des crises, le management des projets, la stratégie électorale, la communication, les relations internationales et bien sûr la science politique. Je pourrais utiliser ces enseignements reçus à l'ICEP dans le cadre de mes fonctions actuelles de parlementaire, mais également lors de futures campagnes électorales ou dans le cadre de tout autre projet de reconversion. À tous ceux qui souhaitent parfaire leur projet personnel ou s'engager en politique, je vous invite à vous inscrire à la formation continue de l'ICEP, qui est une formation d'excellence avec des valeurs d'éthique, de l'enseignement dans la culture, de l'engagement au service de la société. Donc vous avez compris que c'est un député du Gabon, hein, c'est un député gabonais, comment dirais-je, un état pétrolier et gazier peut-être, je ne sais plus, je ne m'intéresse pas trop à la géographie, mais bon bref, les mallettes qui proviennent du Gabon sont très connues, hein. Qui a parlé, hein, deux, Comment ça? Oh là là. Ah. Alors non mais ce nègre il est formidable. Alors la vidéo fait quand même, elle fait 1 minute 30. Sur 1 minute 30, c'est censé être une vidéo où il parle et il présente son cursus, etc. On continue. Il y a 10 coupures. Il y a 10 coupures. C'est-à-dire qu'il a, il a son prompteur, d'accord? Le nègre a son prompteur. On le voit, il a les yeux qui bougent. Donc, ça lui fait, enfin, le cerveau ne comprend pas. Ça chauffe trop, tu vois. Donc, entre chaque phrase, il est obligé de faire une pause d'un quart d'heure, à peu près, pour reprendre. Et voilà. Et en plus, on voit qu'ils essaient de le mettre à la même position, à peu près. Hein. Il bouge pas trop. Quand il bug, il doit être là. Enfin, la machine marche plus, tu vois. Elle reboot. Bouge pas. Ça va trop vite. Quand ça reprend après le montage, il a bougé peut-être de quelques centimètres, tout au plus. Hein. Il est quasiment à la même place. C'est fascinant. Ouais. Hein, c'est fascinant. Alors là, ils ont trouvé une spécimen, un nègre de qualité. Quand j'ai découvert l'animal, je dis, celui-là, il faut le présenter au salon de l'agriculture. Hein. Là, il faut le garder. J'irai plus loin, présentons-le aux élections sous l'étiquette RN. Ah bah... Oui, ah enfin, bah, sur l'étiquette. Qu'il est nègre. Bah, ses ancêtres ont sûrement libéré la France de la barbarie. Hein. Pas possible. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est négrissime nègre, hein. Donc, un négrissime pour le cardinal. Il est très. Ah oui, là, c'est. Je mets mon label. Hein. C'est. Label rouge. C'est label rouge. Rouge écarlate. Hein. carte. C'est vrai que le Gabon, sur la carte du QI, c'est très très rouge. Hein. Là, on est sur du label rouge, voilà, de premier ordre. Et puisqu'on parle de noir, ça sent un peu le pétrole dans tout ça, quand même. Par rapport à la couleur, des reflets non, bleus pétrole. Non, mais je veux dire par là qu'il y a peut-être des subventions. Des subventions étatiques, une étatisation de la société civile. Bien malheureuse, puisque, comme vous dites, nous recherchons la liberté. Bon, là, je fais des procès d'intention, je ne sais pas, mais enfin bon, je trouve suspect de voir comme ça. Bon, je sais que le Gabon est une démocratie avancée et qu'un député gabonais est désigné par le démocratie, peuple. La démocratie de la République démocratique Bongo. Mais bon, voilà, je me permets de m'interroger comme ça très publiquement. C'est tout. C'est censé être une école d'élite. Alors, effectivement, le QI moyen au Gabon, j'ai checké là, c'est 69. Alors, école d'élite avec des mecs. Voilà, en fait, si vous inscrivez à l'ICEP, vous devez vous coltiner quand même des dos argentés qui ont un QI. Bon, bah voilà quoi. Alors, le truc, c'est surtout une école qui se veut quand même de droite et qui est indirectement rattachée par les activités de sa directrice à un parti qui est quand même de droite, dont les membres votent parce qu'ils en ont marre de voir des nègres. Ben ouais, c'est diabolique, c'est une droite particulière, c'est une droite où en fait l'élite on se comprend. Il nous vogue des Français partout. Nous, on est tous Français, machin. Même ton chien est Français. Tout le monde est Français, en fait. Voilà. Il suffit de chanter la Marseillaise. Voilà. Ouais, c'est bon, évidemment, ça nous fait marrer, c'est très drôle. Pris dans son truc. Mais en fait, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand une initiative qui est prise par une Le Pen, puisque bon, elle s'appelle Le Pen, c'est pas moi, elle avait choisi de s'appeler Le Pen, elle a choisi d'abandonner son nom, bon, c'est pas de ma faute. Quand elle prend cette initiative de créer une école, on dit, ah, de droite, ah, ça y est, on va vers quelque chose d'identitaire. Non, on va pas vers quelque chose d'identitaire. C'est-à-dire que l'extrême droite suffoque quand elle n'a pas de nègre autour d'elle. C'est-à-dire que le nègre est l'oxygène de l'extrême droite en France. Faut le savoir, faut le comprendre. Donc si vous vous dites, oui, d'initiative, voilà, comment dirais-je, du conservatisme. Non, ces gens n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que vous. Et pour eux, la fréquentation des nègres est consubstantielle à leur démarche depuis plus de 100 ans. Alors évidemment, pour eux, avoir des nègres autour d'eux, ce sont des faire-valoir, hein, des faire-valoir coloniaux. Parce que c'est ça, hein, le non-dit de l'affaire, c'est implicite, mais c'est visible. Sauf que, évidemment, dans le contexte actuel, dans la dynamique actuelle, il y a beau temps que nous ne nous situons plus du tout dans cette situation. Nous sommes dans une phase de submersion totale de l'Europe et de la France par le trop-plein démographique de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, je ne parle même pas de l'Orient musulman. Dans ces circonstances-là, afficher un nègre bavard, à qui d'ailleurs, pauvre bougre, on fait porter une chemise, c'est vous dire si... c'est complètement fou. C'est de la torture. C'est de la torture. Torture animale. C'est des sévices. Alors il y a des gens que ça fait Brigitte Bardot. Il y a des gens que ça amuse, il y a des gens, voilà, c'est leur passion. Moi je me rappelle très bien de Jean-Marie Le Pen, bon voilà, qui avait des choses justes dans sa vie, qui a aussi fait des choses un peu plus, on va dire, discutables au plan politique. Bon, rameuter systématiquement l'empire colonial café au lait, non. Non, ce n'est pas un projet d'avenir. Voilà, je veux dire, est-ce que vous avez l'impression, hein, je vous pose la question, qu'en 2020, la France avait un besoin impérieux d'avoir une nouvelle école pour produire des nègres à lunettes? Est-ce que vous sentez que c'était quelque chose qui manquait en France? Et on s'est dit, quand même, ça fait défaut. Moi, ah, c'est... Et non, mais en plus, c'est bon. Quand ils veulent avoir des nègres à lunettes, des fois, ils essaient d'en... Il essaie de les présenter bien. Mais là, c'est du nègre éco plus, quoi. Hein. Il est la moitié dyslexique, ce bonhomme. Hein. Ah non, ouais, en fait, c'est gentil. Enfin, c'est un nègre. En même temps, il peut pas respirer, parler en même temps, regarder le prompteur. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ah, pourtant, il a deux bonnes narines. Je pense qu'il peut très bien respirer. Hein. Oui, mais il peut aussi. Enfin, il faut synchroniser. Derrière, tu as les muscles. Le diaphragme peut se bloquer. Ça peut, bon, c'est des choses qui arrivent. Non, mais ça dit tout. Je veux dire, ouais. Ça dit tout. Ça dit tout. Pardonnez-moi, mais franchement, c'est une école qui est une école entre guillemets privée. Bon, même si elle envoie des tatisations, comme on l'a dit. C'est une école privée, donc qui ne repose en fait que sur sa réputation et donc sur la qualité des élèves qu'elle peut produire, bien évidemment. Or, oui, voilà, des professeurs aussi, l'enseignement. Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a des meurtriers. Bon, je te l'accorde. Oui, bah, c'est pas parce qu'un type s'est baladé en Russie avec un flingue et puis un sac à dos qui contenait des bras de femme tout de suite. Non, pas des bras de femme, des bras de son étudiante. Oui, voilà. Oui. Des coupes des bras, bon. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. C'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde. Non, bon. Mais voilà, donc c'est la première fournée, pour citer Jean-Marie Le Pen. Et on c'est a bien ça. Cuit, hein. Et on a ça. Alors, vous avez... Alors, ça dit tout, parce qu'en fait, moi, je sais pas, si elle nous avait produit, voilà, un étudiant, je sais pas, moi, un responsable politique, un jeune responsable politique suédois, de droite, j'entends, un jeune responsable politique issu des pays baltes, ou de voilà, bon, un blanc avec un beau type arien, etc., je me serais dit, bon, voilà, bon, d'accord, ok, bon, je note. Je dis pas que je suis à 100%, mais je prends acte. Là, où nous emmène-t-on? Vers les nègres. Encore une fois. Parce que ça ne suffit pas d'avoir l'extrême gauche. Ça ne suffit pas d'avoir la gauche. Ça ne suffit pas d'avoir l'Église catholique. Ça ne suffit pas d'avoir Macron. Ça ne suffit même pas d'avoir les Républicains. Ça ne suffit pas d'avoir Marine Le Pen et son or bleu avec ses cailloux paumés qui nous coûtent une blinde. Il faut en plus des initiatives privées dans des villes françaises quand même pour nous ramener encore un lien qui nous manquait tant avec l'Afrique subsaharienne. Moi, j'en peux plus, je vous le dis, j'en peux plus. Est-ce qu'à un moment donné, on va s'intéresser, je sais pas, une idée comme ça, un petit peu folle, au monde européen? Est-ce que c'est pensable, ça? Est-ce qu'on peut s'imaginer, je sais pas, l'Europe centrale, l'Europe du Nord? Allez, soyons fous. Oh là là là. Attention, l'Action française va faire des protestants, c'est vrai. Ah oui, ils vont déjà te méfions-nous des Allemands des pays baltes. Ah bah oui, c'est les pires. Hein. C'est saloperie, hein. Rosenberg, terrible. Et les Germains, hein, d'Ukraine, je vous en parle pas. Alors, messieurs, quelqu'un veut-il rajouter? J'ai d'autres éléments à apporter au dossier, mais non, est-ce que cette performance vous a séduit? Ah, pas tellement. Hein, ah ouais, 100%. Moi, 100%. Ah si? Ah, d'accord. Ah non, le Ah, il est au niveau. Non, mais je ne critique pas l'acteur. Hein. Il est spectaculaire quand même. Il faut reconnaître qu'il y a du spectacle. On n'a pas payé, mais on en a eu pour notre argent. Quoi. Tout à fait. Enfin, peut-être qu'on a payé quand même. Hein. Enfin, pas encore. Quand, dès que ce sera étatisé, on paiera aussi. Mais, oui. Bon. Va falloir quand même donner des gages. Hein, quand même. Enfin, plus, beaucoup plus. Enfin, je sais que. À l'ICEP, on invite des agents du Likoud, hein, bon, mais beaucoup oui, plus. Oui. Beaucoup plus. Alors, Le Parisien, qui s'intéresse aussi beaucoup à ce que fait Marion Maréchal Le Pen, a des choses à nous dire sur ses projets d'avenir. Et je vous lis cet article très, très intéressant. Alors, comment Marion Maréchal compte revenir dans le débat? C'est le titre de cet article du Parisien. Alors, jusqu'alors, Marion Maréchal disait vouloir intervenir dans le débat public avec parcimonie sur des sujets qui lui étaient chers. Désormais, la directrice de l'ICEP, sa modeste école lyonnaise, assume de faire porter davantage sa voix. Cela passera-t-il par sa participation à une émission sur une chaîne d'infos continue? Si l'ancienne députée du FN a bel et bien été approchée pour discuter, elle assure que rien n'est pour l'instant prévu pour la rentrée. « Je ne veux pas faire de la télé pour faire de la télé », glisse-t-elle, pardonnez-moi, qui dit attendre des retours et des précisions sur le format proposé. Mais une chose est sûre, la nièce de Marine Le Pen ne s'interdit plus par principe d'intervenir dans les médias. Les fondations de l'ICEP sont posées, j'ai plus de temps pour faire autre chose. Confie-t-elle. Elle est quand même très motivée de prendre part au débat sans être affiliée à un parti. On peut même parler de frustration, confie l'un de ses intimes. Lequel, je ne sais pas. Des notes très opérationnelles. Parmi ses projets de rentrée, le lancement d'un think tank, donc un groupe de réflexion. Alors, très modestement appelé le Centre d'analyse et de prospective, le CAP. Quel dirigeant ? Adossé à son école et notamment sur son conseil scientifique, le CAP disposera de fonds propres pour payer des experts à produire des études et des dossiers, des papiers. Il ne s'agit pas de recherche doctorale, mais de notes très opérationnelles afin de contribuer au débat public, influencer les réseaux politiques, explique Marion Maréchal qui précise « Je ne rechignerai pas à retourner dans les médias pour porter et faire connaître ses analyses. » Ces modèles, pour l'interrogation ? L'Institut Montaigne ou la Fondapol, répond-elle, tout en regrettant la ligne très pro-UE, libérale et progressiste de ces deux groupes de réflexion classés à droite. D'ici quelques jours, elle prévoit de mettre en ligne une première étude sur les leçons d'avenir du Covid-19. Le RN, lui, présentera son livre noir du coronavirus mardi prochain. Pour autant, Marion Maréchal reste sur sa ligne. Un retour en politique n'est pas du tout d'actualité. Mais le comportement de sa tante... qui lui a récemment reproché de tomber dans le piège des racialistes sur les affaires George Floyd et Adama Traoré, ne la pousse pas à la bienveillance, souffle l'un de ses amis. L'égérie de la droite conservatrice veut que le CAP s'empare de sujets sous-exploités à ses yeux dans le débat public et de citer comme exemple la politique territoriale à destination des 150 villes de taille intermédiaire, les liens entre démographie et écologie, impensés de la politique, ou encore les stratégies d'alliance au sein de l'UE. Elle-même plaide de longue date pour une alliance latine avec l'Espagne et l'Italie. La semaine dernière, elle était d'ailleurs à Madrid pour inaugurer l'antenne espagnole de l'ICEP de taille modeste, 25 places en cours du soir, l'Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, et la cocaïne, elle est où ? Présente le même projet que sa maison mère lyonnaise avec son équipe composée d'universitaires, de chefs d'entreprise et de conseillers politiques à droite toutes. Parmi les professeurs, l'ancien ministre de l'Intérieur de 1996 à 2001, Jaime Mayor Oreja, membre du Parti Populaire et militant anti-avortement, l'avocat Javier Tebas Medrano, qui est président de la puissante Ligue de foot professionnel, la Liga, et électeur assumé du Parti Nationaliste Vox, troisième force politique au Parlement espagnol. Même si Marion Maréchal réfute tout lien structurel avec elle, cette formation pèse dans l'équipe pédagogique puisque figure parmi les enseignants Kiko Mendes Monasterio, conseiller du président de Vox, Santiago Abascal, ou Julio Arriza, qui est patron de presse proche du parti. Voilà, nous en savons plus sur les liens espagnols de l'ICEP et de sa nouvelle branche. Excuse-moi, Gandalf, Valls n'a pas déposé sa candidature? Ça dépend des tendances sondagières, mais... Alors, bon, par contre, les gars là, de Vox, ce sont des... enfin, c'est assez intéressant hein, comme parti en Espagne. Hein. C'est, ouais. Pas, c'est pas des rigolos, quoi. Hein. C'est une bonne droite. Enfin, je crois qu'il y avait des clips de campagne où le type Santiago Abascal était à cheval en mode croisade, quoi. Donc oui, c'est l'ambiance, oui. C'est un parti très très intéressant. Hein. Ouais. Bah, disons que c'est un parti de droite. C'est un parti de droite. ce qui défrise un peu dans le paysage français, effectivement. On n'est plus habitué tout ça, on a un peu perdu l'habitude. Par contre, je me dois de souligner aussi que le parti Vox est un parti pro-israélien. À titre purement informatif, je me dois de le dire. Mais l'objet de la discussion n'est évidemment pas le parti Vox. C'est même pas d'ailleurs la branche espagnole de cette politique. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est l'Alliance latine. Alors, ça c'est une approche très intéressante qui a jamais été tentée hein, par aucun parti socialiste français. Hein, je veux dire, François Hollande n'a pas du tout tenté cette opération. Une bonne alliance hein, avec tous les paniers percés du sud du continent, avec la Grèce. Je pense que pour faire la nique aux Boches, ça va fonctionner. Ouais. Je crois que Marion Maréchal justement a expérimenté personnellement l'alliance latine, notamment avec l'Italie. Je sais pas, ça a peut-être changé entre temps. Non, mais bon, l'alliance latine, alors... déjà, j'apprends que la France est latine. Ça dépend où, hein. L'Alsace, c'est pas bien. Hein. La Flandre. La Normandie, c'est latin, peut-être. Je sais pas. C'est curieux, hein. C'est une drôle... Non, mais il y a une espèce de cohérence. C'est-à-dire, tu vois, avant le Gabon, quelque part, il y a le monde latin, tu vois. Tu sens que, tu vois... C'est les gens qui aiment l'État, en fait. Hein. C'est les gens qui aiment l'État. Non, ils aiment les sous des autres. Oui, bah c'est le principe. Quand tu aimes l'État, voilà. Ceux qui aiment l'État, c'est pas ceux qui font le fric. Hein. Tout à fait. Et bien, justement, donc, en ce sens-là, c'est assez cohérent, l'Union latine. Mais est-ce que... Enfin bon, moi je vous le dis tout de suite. Hein, si la France doit se raccrocher à toute la liste de pays... infoutus de savoir gérer leurs finances parce qu'en fait ils veulent pas payer ils veulent pas payer par où ils passent en disant ouais mais après ouais, on va aller voir les Boches on va leur... bon si c'est ça la stratégie oubliez non mais Gandalf mais tu rigoles mais tout est conditionné par ça c'est à dire qu'en fait ça fait je sais bien. Ça fait 10 ans que en gros tout est de la faute de Merkel voilà, les gens ils ne voient que Merkel. Parce que tout est la faute de l'Union européenne et donc toute la faute de Merkel et donc fait une alliance avec ce qui reste quoi du coup l'Espagne, l'Italie pour baiser les Boches mais c'est aussi débile que ça quoi. De toute façon cette femme n'a pas d'idée c'est une opportuniste hein. Et puis même si demain elle change d'avis et qu'elle a envie de faire une alliance avec les Allemands pour baiser les Latins j'ai envie de dire de toute façon ça changera rien hein. Ça dépend de qui occupe la place. Je pense qu'il y a quand même un vieux fond droitier français à tout ça. Oui. De Martigues. Oui, mais totalement, c'est absolument. C'est bon. Moi, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal à être nationaliste français, quoi. Quand ta priorité c'est de ne pas avoir des nègres chez toi, et puis que tu aimes les choses droites. Vraiment droite pour le coup hein, qui marche droit dès que tu t'intéresses à la France et son histoire et l'histoire de la droite française tu as envie de partir en courant hein. Et puis bon ben, ça, c'est normal ça continue Marion Maréchal Le Pen héritière de la droite Gabon. Française la droite ouais, Gabon, le Gabon voilà. le Gabon et l'étatisme et la tambouille quoi c'est très fatigant quoi. Très fatigant. Non mais c'est on touche à quelque chose hein faut pas voilà et il y a que deux influences hein. Il y a l'influence du nord et l'influence du sud et comment dirais-je ces gens veulent nous envoyer vers le sud. Et moi, je regarde Marion Maréchal Le Pen, bon, de facto, ses sympathies vont vers la Méditerranée, enfin, c'est évident, je veux dire, même à titre personnel, c'est flagrant. Le monde du Nord et le monde européen, finalement, voilà, enfin, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais l'Europe du Sud, je pense qu'il faut parler de monde méditerranéen. D'accord, il y a un monde méditerranéen qui a communiqué, parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous faire croire que la Méditerranée est coupée en deux. Bon, elle l'est en partie, mais c'est très relatif. Ce sont des pays qui voisinent depuis toujours. Quand vous êtes intéressé par ce type de pays, vous finissez, comme beaucoup de gens avant vous, hein, le cul dans l'eau tiède de la Méditerranée, hein, qui est quand même une bassine. Donc voilà, vous finissez là-dedans. Il y a beaucoup de peuples, hein, même des peuples germaniques, hein, qui ont essayé de s'installer dans ces zones-là. Ils n'ont pas pris l'ascendant. Hein. C'est l'inverse qui s'est passé. Moi, je pense qu'il faut en retenir une certaine leçon. Donc, je refuse catégoriquement ce type de démentation, dirais-je, vers le sud. Je récuse totalement le sud. Je suis un, comment dirais-je, un athée du sud. Je ne peux pas. Mais non, je le dis, je le reconnais. Voilà, je ne peux pas. Certains le peuvent. Tant mieux pour eux, c'est leur truc. Moi, je jette pas la pierre. Hein, voilà. Il faut quand même voir que c'est de la pure réaction. Et la réaction, oui. Bon. Si on veut prendre un ce point. N'est pas, ce que je veux dire, c'est pas une réaction droite. Alors moi, je voulais dire un truc. Et permets-moi de te couper la parole, mais oui. Tu reprends après. Oui. Ce que je vois là, moi, c'est la poupée russe, si vous voulez, dératée. C'est la poupée russe des ratés. C'est-à-dire que les ratés ont toujours quelqu'un à accuser au-dessus d'eux de leur propre échec. Ça marche par la jalousie et le complexe d'infériorité. Donc, vous prenez les nègres ou les maghrébins, le coupable est tout trouvé, c'est l'homme blanc. Bien. Là, on a affaire à quelque chose de tout à fait similaire. C'est-à-dire que si la France n'arrive pas à sortir de la nasse dans laquelle elle s'est mise elle-même, c'est de la faute des Blancs. C'est de la faute des Germains. Parce qu'ils... Lisez la prose de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu un sommet européen récemment. On a vu les mêmes nations dire les mêmes choses, c'est-à-dire demander l'argent des Nordiques en leur crachant à la gueule. Une formule dont on sait que ça va marcher. Hein. On le sait, quoi. Hein. Donne-moi ton pognon, sale con. C'est quelque chose qui, au plan diplomatique, marche formidablement. Ça c'est utilisé en permanence par la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, de plus en plus souvent par la France. Mais il y a encore en France des gens qui connaissent la réalité et qui savent que si la France décroche du bloc du Nord, ça va tomber très vite, y compris au niveau de vie. Et donc, c'est pas tant qu'ils sont fascinés par l'Allemagne, c'est qu'ils savent qu'il n'y a que deux voies possibles en Europe. Il y a la voie du Sud, où en fait, bon, c'est des bronze-culs, où on fout trop rien et on vit du tourisme. Ou alors, on regarde plutôt vers le Nord, mais ça suppose de la rigueur, ça suppose de travailler dur, ça suppose de ne pas claquer son pognon n'importe comment. Et là, ça commence à devenir de plus en plus incompatible avec le fait d'installer des populations maghrébines et africaines sur son territoire. Donc, il faut une éthique du travail, etc. Et là, en fait, on est clairement sur une ligne de fracture. Et pour moi, si on se situe sur une ligne, on va dire, entre guillemets, de droite, une ligne hiérarchique, une ligne méritocratique, on n'est pas sur une ligne latine. On n'est pas sur la ligne socialiste. On emprunte, on claque le pognon, on se posera les questions demain. On est plutôt du côté des fourmis et pas tellement du côté des cigales. Or, moi, ce que je vois là, c'est qu'on nous explique une nouvelle fois que ceux du Nord, bon, ils font peut-être pas toujours les choses comme il faut, je dis pas le contraire, il y a probablement du cynisme, mais c'est très bien, très bien, très bien. Mais fondamentalement, je préfère être une fourmi qu'une cigale. D'ailleurs, à titre personnel, moi, je suis une fourmi, je suis pas une cigale. Je claque pas mon blé n'importe comment. J'économise, je thésaurise. C'est dans mon ADN, si vous voulez. Je me comporte comme ça. Or, Marion Maréchal, de par ses penchants, semble visiblement beaucoup plus se diriger vers le côté cigale. Parce qu'il fait plus chaud, il y a plus de soleil, les hommes sont plus bronzés aussi, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Voilà, je... Bon. Derek, je te redonne la parole. Pardonne-moi pour cet aparté. Non, mais pas de problème. Mais le point que je voulais noter, c'est que toute cette bande hein, qui traîne autour de Marion Maréchal et qui emprunte de moracisme et compagnie, de moracisme en un mot, hein, pas de, y a pas de racisme. Ne méprenons pas les gardes, c'est pas raciste. Hein. Ils prennent bien le soin de nous le rappeler et puis de nous le prouver. Toute cette bande-là est encore bloquée au XIXe siècle et n'accepte, enfin, oui, a toujours dans la tête la proclamation du Kaiser à Versailles hein, en 1871. Oui. Ça, ça fait 150 ans. Qui sont fous. Ils sont devenus fous, et puis leur folie se transmet de génération en génération. Hein, ça fait des petits. Donc il y a eu deux guerres mondiales au milieu, quand même, c'est pas rien. Et ça continue. C'est comme ça que tu as des Pierre-Yves Rougeron, par exemple. Hein, c'est le genre de truc. Le souverainisme en général. Enfin, moi, je veux dire, C'est le souverainisme. Hein, souverainisme. Ça donne du républicain ou du royaliste. C'est pareil. C'est la même. Ça mange au même endroit, hein, tout ça. Oui, je précise parce que c'est pas le souverainisme comme théorie politique. C'est pas ce que je dis. C'est le souverainisme tel qu'il existe en pratique. C'est ça. Souverainisme français, donc. Oui, le souverainisme français, qui est un répulsif extraordinaire, je veux dire. Franchement, je veux dire, ils savent pas vendre leur truc, hein. Je vous le dis. Il y a un petit papier qui est tombé là, sur la vidéo qui a fait Vincent Lapierre, qui donc a participé à la réunion des souverainistes. Oui. Enfin, il y a que des vieux. Il y a que des vieux. Alors moi, j'ai noté qu'il y avait aussi des vieux homosexuels. Oui, mais en tribune. oui, c'est ça qui parle, oui. Je suis même étonné au niveau de l'ICEP que ce ne soit pas pour l'instant un nid de pseudo-étudiants venant de Réunion, Guadeloupe et autres couillonnades du genre, tous fils à papa très friqués, qui auront pour mission de sortir avec des pseudo-diplômes pour aller bosser dans des boulots qui leur seront attribués d'office par piston. Faut être patient. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. Revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 28, Miracle de l'Éternègre. Voilà, hein, vous sentez que le Mashiach arrive, c'est vrai, il approche. Les signes s'accumulent semaine après semaine, mois après mois, sa présence parmi nous se fait de plus en plus claire. Et la semaine dernière, comme nous n'avons pas eu d'émission, nous n'avons pas pu commenter ce nouveau miracle, ce nouveau signe qui nous a été envoyé par Dieu. Le miracle n'était pas encore totalement révélé la semaine dernière. C'est donc, vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on s'est dit. Parce que tu n'étais difficile pas disponible. Tu n'étais pas disponible et en tant que cardinal, oui. Évidemment, il fallait un prêtre pour sacrifier et tu es avec nous aujourd'hui pour sacrifier. Alors, je lis cet article de Sputnik News qui fait un petit peu le point sur la situation. Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse est passé aux aveux et a été placé en détention provisoire dans la nuit du 25 au 26 juillet pour destruction et dégradation par incendie. Mon client a coopéré, a affirmé au quotidien Presse Océan l'avocat du mis en examen, maître Quentin Chabert. Il regrette amèrement les faits et évoque que cela a été pour lui une libération. Mon client est aujourd'hui rongé par le remords et dépassé par l'ampleur compris des événements, assure-t-il. L'homme a reconnu, lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, avoir allumé les trois feux dans la cathédrale, sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique, a précisé le procureur de la République de Nantes, Pierre Senès, au quotidien. Cet homme de 39 ans... Trois départs de feu, hein, c'est ça ? Trois départs de feu. Trois. Un hommage à la Trinité. Trinité. Un feu trinitaire. Cet homme de 39 ans qui était chargé de fermer la cathédrale la veille de l'incendie a été mis en examen des chefs de destruction, dégradation par incendie et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a indiqué dans un communiqué le procureur. Alors messieurs, ça y est. Le dévoilement est complet. Cet homme de 39 ans est bien évidemment originaire du Rwanda, comme vous le savez. C'est un réfugié. C'est un réfugié qui avait été pris en charge depuis maintenant 5 ans par le diocèse de l'Église catholique de Nantes. C'était donc un protégé de l'Église catholique, catholique lui-même, pratiquant, hein. Et donc bénévole, et qui, si j'en crois un autre article d'Europe 1 que je n'ai pas cité ici, jouissait de la confiance absolue du recteur, dixit le recteur en question. Alors, bon, qu'est-ce que vous avez envie de me dire à propos de cet incendie, en sachant, je précise quand même, pour les besoins de nos auditeurs, que l'orgue qui a été détruit datait, je crois, du XVIIe siècle. C'est un orgue qui avait pratiquement 400 ans, qui avait survécu à bien des aléas, et des vitraux qui, eux, avaient été offerts par la duchesse Anne de Bretagne, devenue par la suite reine de France, à la cathédrale de Nantes et à la ville de Nantes, qui était aussi sa capitale, bien sûr, en tant que duchesse. Et donc des vitraux qui avaient 500 ans, un peu plus de 500 ans, 5 siècles. Donc 5 siècles d'histoire qui sont partis en fumée à cause d'un migrant, rwandais protégé de l'Église catholique. Voilà. Alors, maintenant que nous en savons plus, voilà, quelle est votre réaction à cet enrichissement culturel finalement ? Ce que le baveux là dans l'article n'a... Parce qu'en fait, il s'est aussi exprimé pour dire que c'était dommage quand même cette histoire, il fallait être vigilant, parce qu'il y avait quand même des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Oui, il a dit que des commentaires racistes. Le racisme, quoi, ouais. Voilà, alors, en fait, le problème, c'est le racisme, hein. C'est pas que le mec le feu des cathédrales. Le type s'est fait gauler aussi parce qu'en fait, bon, il a été vu sur les caméras, déjà. Malin comme un nègre, malin comme un singe. Il a aussi fait un long mail où en fait, il se plaignait de, je cite, l'injustice, parce qu'il était en procédure de régularisation et en fait ça n'a pas été accordé. Donc l'État fasciste français, hein, l'État hyper nazi français a refusé. Et donc, en fait, c'est pour l'injustice, tu vois, pour lui, c'est normal, quoi. Il va chez les Blancs, il attend des papiers, quoi. C'est normal. Et le mec faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Voilà. Donc, ça depuis un an. Une vengeance. Donc, je ne sais pas si les autorités ecclésiastiques, vous savez, hein, moi, les modernistes, hein, je les mets dans une autre tranche, mais bon, on va dire catholique pour faire, voilà, pour avancer vite. Savait que le mec était interdit de séjour, pour le coup, qu'il devait retourner au Rwanda. Mmh. Ou s'il y aurait, on ne sait pas. Mais en tout cas, le type, il logeait dans un foyer qui appartient au diocèse. Un foyer à Nantes. Ça appartient à la communauté des franciscains, pour le coup. Et, ah oui, c'est vrai, ils sont particulièrement virulents, ça. Et... Bon, bref, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes déjà allé à la cathédrale de Nantes. Moi, je me suis déjà rendu une fois à la cathédrale de Nantes. Ça remonte un peu. Elle est magnifique, hein, elle est magnifique. L'intérieur, généralement, les modernistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils saccagent l'intérieur, ils mettent des trucs un peu. Et là, ça va. Ils sont pas trop lâchés. Franchement, c'est assez préservé parce qu'il y a un gros patrimoine historique. C'est assez joli. Et voilà, en fait, on confie des cathédrales à des mecs du Rwanda, clando. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Bah, ça a un sens. Si moi je veux un petit peu donner mon opinion là-dessus, c'est qu'en fait l'Église catholique fait ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait, c'est-à-dire transformer la France en Brésil. Donc en fait l'Église catholique reste fidèle à ce qu'elle a fait durant quand même quelques siècles, lors du fameux commerce triangulaire, de la fameuse traite négrière, pour le coup à l'époque sous la direction et la protection de la couronne d'Espagne et de la couronne, comment dirais-je aussi, portugaise, mais pas uniquement, puisque nous avons eu des marchands juifs, hein, des marchands séfarades, qui ont activement contribué à la vente d'esclaves nègres en direction de l'Amérique surtout latine. Surtout en partant de Nantes, d'ailleurs. Entre autres, oui, entre autres, mais pas uniquement. Et donc, l'Église catholique a activement repeuplé l'Amérique latine de nègres. Ça a été sa politique pendant des siècles. Donc, le grand remplacement, l'Église catholique connaît très très bien. C'est son fonds de commerce depuis quelque temps, surtout à base de nègres. Il s'avère que retournement de fortune oblige. Maintenant, l'Église catholique s'est rabattue sur l'Europe et que son principal business, sa principale activité, n'est pas à caractère, comment dirais-je, spirituel, c'est une activité à caractère politique et économique qui est l'importation de nègres sur le continent européen. C'est pour ça que, dans tous les propos que tient l'Église catholique, au plus haut niveau, à commencer par la papauté, mais c'est vrai aussi dans les différentes conférences des évêques nationales, le principal message qui est véhiculé, c'est la nécessité urgente pour les nations européennes en question d'ouvrir les portes à l'invasion africaine. Voilà, c'est leur projet. Alors, si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le Brésil, je vous invite à regarder sur Google Images ou sur YouTube ou même un film, comment dirais-je, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Tropa de Elite, je crois, qui s'appelle, qui est un film, ouais, sur les Tropa forces, voilà, un film sur les forces spéciales de la police brésilienne qui opère notamment à Rio de Janeiro et ailleurs, dans les favelas, donc dans les quartiers dit défavorisé, ça c'est ce qui va se passer en France, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que si le projet catholique, qui rejoint d'ailleurs le projet juif, et qui rejoint le projet de la gauche, et qui rejoint le projet de la finance internationale, tous ces gens-là convergent, on va se retrouver dans 50 ans, dans 75 ans, avec le Brésil. Probablement avec un Brésil beaucoup plus violent. Parce que il y avait un certain nombre de facteurs qui permettaient au Brésil, et en Amérique latine d'une manière générale, d'atténuer les aspects les plus sanglants de ce grand remplacement et de cette colonisation africaine. D'abord, il y avait une tutelle coloniale blanche, espagnole. Il y avait une acculturation qui était organisée, c'est-à-dire que les nègres en question devaient abandonner, au moins formellement, des religions, des cultes, des pratiques. Bon, on verra que c'est revenu par la suite, mais ils devaient quand même formellement s'adapter, ils devaient adopter la langue du conquérant, et la plupart de ces nègres, d'ailleurs, de ces métis, donc du Brésil, en fait, sont le fruit de l'union entre des hommes espagnols ou portugais en l'occurrence, et des femmes africaines. Ça se retrouve dans l'ADN. Donc, les chromosomes mâles sont d'origine espagnole, et les chromosomes féminins ou femelles sont d'origine africaine. Et ça a un rôle tout à fait particulier, puisque forcément, la partie africaine de ces populations métisses sont féminines, donc ont beaucoup plus tendance à la soumission à la culture blanche, si vous voulez, ou à ce qu'il en reste. Donc la domestication de ces populations a été plus simple. Chez nous, rien de tel. Nous avons des mâles nègres que l'Église catholique contribue massivement à importer, depuis l'Italie et en France grâce à des organisations. C'est pas que l'Église catholique, hein. Il y a les dispositifs de l'État français, etc. Mais on fait venir des mâles nègres en grande quantité, il n'y a pas de femmes. À terme, ça va très mal se passer, forcément. Et le regroupement familial ne se produit que très imparfaitement. Donc, la situation, en fait, est bien pire. Mais je tenais à souligner ce point-là, parce que c'est central. L'Église catholique veut créer un Brésil en France. Voilà. Alors, à part sur le... Je vais pas rebondir encore une fois sur le terme catholique, pour moi, qui j'estime dévoyé, mais bon, je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. C'est sûr que je considère tellement ces gens comme finalement des protestants qui s'ignorent que, effectivement, j'ai du mal à les associer. Mais bon, ils ont l'apparence de catholiques, en tout cas. Ils ont l'institution, les caméras, les positions hiérarchiques qui vont bien. Donc, bah, okay. Moi, je veux dire, permets-moi un petit peu de te rendre d'accord avec ce que tu dis. Tu veux dire, j'ai pas développé. Bah, je suis obligé de t'arrêter et t'interpeller parce que tu me dis, oui, aujourd'hui, les modernistes, oui, mais ce dont je te parle, la colonisation de l'Amérique latine par l'Église catholique et l'Espagne et le Portugal a été faite à un moment où il n'y avait pas plus traditionaliste que l'Église catholique. Oui, oui, d'accord, je veux bien entendre là-dessus, mais je veux pas, par rapport au rapprochement qu'on peut faire là, par rapport à 2020, là, c'est autre chose, quoi. Ce que j'ai en train de dire, c'est une autre entité, là. Je dis même pas que c'est des gens qui sont anti-catholiques, juste que c'est un autre délire, quoi. Mais c'était même pas ça sur lequel je voulais rebondir, c'était sur le côté en fait politique. C'est vrai qu'il suffit de le regarder, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Quand les autorités catholiques s'expriment, en fait, ils ne parlent pas de, même moderniste, ils ne parlent pas de spirituel. Ça ne les intéresse pas. Et c'est un gros souci parce qu'en fait, ils ne parlent que de politique, hein, comme tu l'as dit, Gandalf. Et ça pose un problème parce qu'en fait, si tu veux en fait parler de politique, c'est pas interdit, d'accord? Mais il faut que normalement, ces gens qui portent une soutane, ils ont une autorité morale, justement, normalement, à cause de la soutane. Donc, ils doivent surtout agir avec certaine pondérance et ne pas parler de sujets politiques s'il n'y a pas besoin. Donc, il y a des nécessités parfois de parler de sujets politiques si jamais on parle, je ne sais pas, la PMA, par exemple. Oui, normalement, l'Église catholique a une opinion sur la PMA. Donc, effectivement, ça touche la politique, mais tant pis, on en parle quand même. Mais là, en fait, ces gens, ils parlent de sujets qui n'ont rien à voir, vraiment rien à voir du tout. Et à la fin, ils vont chercher un petit lien comme ça, oui, mais finalement, l'immigration, parce que Jésus, quoi. Ça, c'est très grave, hein. Ça porte atteinte déjà, si vous voyez un prêtre normalement agir comme ça, même si c'est quelqu'un qui rentre dans nos idées, normalement, il n'a pas à agir comme ça, hein. Le maire du village, il ne va pas demander au curé, est-ce qu'il faut construire un pont ou pas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de son ressort. Et ça pose aussi un énorme problème, parce qu'en fait, maintenant, on s'est habitué à ça et ça devient normal. Moi, j'apprécie pas du tout ce genre d'opposition. Encore une fois, je le répète, même pour des gens qui arriveraient sur l'opposition, c'est juste pas leur rôle. Bah, je suis d'accord, c'est pas leur rôle, mais tu vois, comme je dis, tu exonères un petit peu vite l'Église catholique de ce qu'elle a commis en Amérique latine, tu vois, au plan racial. Et je regarde l'Amérique du Nord, tu vois, qui a été prise en charge par les protestants. Bah, le fait est que les protestants ont appliqué une politique raciste. Et que c'était une saine politique. Ouais, mais là, si tu veux, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que on peut faire Oui, le lien si tu enfin, veux, oui, mais. t'as les paramètres étatiques, la couronne d'Espagne, la couronne du Portugal, Oui, certainement, c'est pas je ne disconviens pas, monocausal, hein. mais enfin bon, non, j'ai pas dit que c'était monocausal. Mais enfin, on voit quand même très bien, justement, j'ai parlé un peu avant de deux Europes. Le protestantisme a grosso modo été un phénomène germano-britannique, tandis que le catholicisme, alors bon, dans le cas de la France, c'est un peu particulier parce qu'elle a un peu le cul entre deux chaises, comme on dirait, mais a été essentiellement, enfin, est resté essentiellement un phénomène latin et méditerranéen, et que la projection respective des deux empires coloniaux, c'est-à-dire l'empire colonial anglo-saxon et l'empire colonial, on va dire, latin, nous a donné deux objets très différents. Et le fait est que l'empire latin est une infâme bouillie raciale, alors que jusqu'à une date récente, en fait, jusqu'à ce que les Juifs prennent le contrôle, en fait, de l'Amérique du Nord. Eh bien, les colonies anglo-saxonnes étaient des colonies qui étaient bien tenues au plan racial. Et ça, il faut quand même le souligner. Il faut le souligner. C'est aussi dû au fait que, par exemple, pour les protestants, alors, les protestants, c'est difficile pareil de les mettre dans une boîte parce que, par définition, ils ont libre examen, donc il y a autant de protestantisme. Mais on va dire que beaucoup d'entre eux reconnaissent la réussite sociale comme un signe divin. Donc effectivement, ça parle beaucoup plus aux blancs parce que c'est eux qui construisent la richesse. Y a de ça, mais dans le cas d'espèce, en fait, c'est qu'ils sont partis avec leurs femmes. À aucun moment ils se sont dit on va à la fraîche là-bas et on trouvera des femmes sur place. Ça, c'est une prédisposition. Voilà, enfin bon, je veux dire, c'est une simple description d'une réalité historique, quoi. Et ce que je moi je y a rien d'étonnant à voir l'Église catholique se déchaîner aujourd'hui comme elle le fait pour saboter racialement l'Europe. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ceux qui prétendent, je sais pas quoi, parce que j'entends ça aussi, ah oui, mais il faut réformer l'Église. Oui, bon, bonne chance dans 3 siècles, quoi. Dans 3 siècles, il y aura plus de blanc en Europe de l'Ouest, hein, ça sera terminé, ça sera la fin du match. Hein, donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si je puis me permettre, j'aimerais revenir un petit peu à l'église et au village. Bon, Quelle église et quel village? ben, tu nous expliques qu'un Rwandais a foutu le feu dans une cathédrale, nous sommes d'accord. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, revenons un petit peu à cette histoire. Ce type est Rwandais. Nous avons tous connu, en tout cas pour ceux qui ont la tranche d'âge nécessaire, les événements du Rwanda et du Burundi. Après les événements du Rwanda et du Burundi, les églises, je dis bien les églises, aussi bien l'église catholique que les évangéliques, que les réformés, que un petit peu tout le monde, ont commencé à accueillir massivement en Europe des Rwandais. Alors, comme par hasard, hein, parce que bon, faut pas s'étonner, comme par hasard, on a accueilli à la fois des Hutus et des Tutsis. Je rappelle quand même que ces gens, ce peuple, enfin ces deux peuples, sont à un point de niveau tellement taré qu'ils se sont joyeusement exterminés à la machette. Et que les gens dans les églises voyaient leurs agresseurs débarquer et donnaient de l'argent pour être abattus d'une balle dans la nuque plutôt que d'être découpés à la machette. Ça vous donne déjà une idée merveilleuse de cette atmosphère de paix et d'amour. Permets-moi juste Bon. de t'interrompre, juste sur ce point-là, je te redonne la parole. Précisons que nous n'avons Oui. pas affaire à une confrontation entre nègres musulmans et nègres chrétiens. Tout le monde dans cette affaire était catholique, sur le Tout le papier. monde dans cette affaire est catholique, que ce soit évangéliste, t'avais un peu de tout, hein. T'avais des catholiques romains, tu avais un peu de tout. Mais bon. tout le monde joyeusement s'égorge à tire-larigot, c'est absolument génial. Et que font ces églises? Elles récupèrent ces gugus qu'elles importent en Europe. Alors, je vais prendre un exemple de ce que représente un Rwandais en Europe, parce que celui-ci, bon, il était interdit de séjour, il devait rentrer chez lui, il a foutu le feu à sa cathédrale. Prenons un Rwandais qui est arrivé de manière normale. Monsieur a été victime de massacre. Il rentre au séminaire, devient curé. On lui donne une paroisse. Je prends un exemple vérifiable. On lui donne une paroisse à Bruxelles qui est la paroisse Sainte-Catherine, en plein cœur de la capitale. Que fait ce génie? Il fait sa messe tous les dimanches, et puis à un certain moment, les flics se posent quand même une question, parce que le long de la rue Sainte-Catherine, on voit de plus en plus des véhicules, des épaves absolument impossibles, avec les portières soudées, avec à l'intérieur de l'électroménager de merde, des micro-ondes qui ont 100 ans d'âge, des trucs absolument repoussants, des caisses même pas immatriculées. En fait, que fait ce représentant du culte, ce nègre? Eh bien, il transforme son église en un espèce de gigantesque entrepôt dans lequel il récupère du matériel pour pouvoir faire du business ou ça au Rwanda. Ça a été jusqu'à un tel point que, pour finir, l'évêché a fermé l'église, l'a désacralisé, et à l'heure actuelle, je crois qu'on y fait des marchés, des fêtes foraines ou des couillonnades du genre. Non seulement on importe ces nègres, mais le gros problème, c'est qu'on leur donne charge d'âme, que ces gugus savent très bien que vis-à-vis des vieux, on sait leur soutirer du pognon d'une manière assez facile, et je rejoins tous les gars qui sont au Cameroun, au Sénégal, et qui via Internet harponnent des retraités pour essayer de leur soutirer du fric. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On donne charge d'âme à des pseudo-curés qui vont évidemment ouvrir la boîte de Pandore et qui vont pomper le plus de fric qu'ils peuvent pour pouvoir faire leur business ou ça au pays. Donc, il ne faut pas s'étonner à un certain moment qu'on va se retrouver à aller poser à nos petits copains du Vatican et dans nos petits évêchés les bonnes questions aux responsables. Parce que quand on importe de la merde, on devient de la merde. Et à un certain moment, il va falloir poser la question suivante. Si ces gens sont nommés prêtres, si ces gens sont censés effectivement s'occuper des problèmes des blancs, soit ils agissent comme des blancs, et là je le dis carrément, c'est totalement impossible, c'est approximativement la même chose que de faire le loto ou Euromillion, ou alors on les laisse croupir dans leur trou et on arrête l'hémorragie. Parce que la situation actuelle, elle est très simple. Le Vatican est en train de devenir un gigantesque bac à merde, et au train où vont les choses, vu que c'est plus peuplé d'homosexuels que d'autres choses, je me demande manifestement, pour un catholique bon teint, si avoir un gosse et l'emmener dans les différents procides organisés par la religion catholique va devenir simplement saint et pas S-A-I-N-T, hein, on se comprend bien. Donc il faut comprendre qu'on est dans un système de dégénérescence absolue et qu'à un certain moment, il va falloir aller trouver les autorités ecclésiastiques et leur dire joyeusement « Mon petit gars, soit t'arrêtes tes conneries ou alors ça va très mal se passer ». Et soyons très clairs, les gens qui à l'heure actuelle rédigent des documents pour exiger de se faire débaptiser, on en a pléthore, à un tel point que je ne sais plus quel cardinal en Belgique avait même proposé que ça devienne payant, parce que il ne pouvait pas admettre que l'intégralité de ses fidèles se barre en couille sans que ça ne rapporte un rond. Mais il reste fidèle à une certaine tradition, hein, les indulgences, n'est-ce pas? C'est une vieille, ah oui, tout à fait, mais ça, la Simonie, c'est extraordinaire. Alors non, mais il a raison, pour le coup, il a raison, il est très pragmatique, puisqu'effectivement, on ne peut pas débaptiser les gens, donc faire payer des gens pour un truc qui n'est pas possible, c'était un bon filon, mais ceci étant dit, c'est pas très glorieux. Mais on réunit les gens d'un registre, mais on peut pas les débaptiser. Voilà, mais c'est quand même bien senti de sa part. Vous voyez, il y a un petit côté hébraïque là-dedans qui n'est pas sans attirer mon attention. Mais enfin bon, voilà, cette cathédrale donc a flambé du fait d'un nègre. Alors là, pour le, je vous laisse imaginer, hein, parce que j'aime bien les comparaisons. Imaginez qu'un blanc incendie une synagogue ou une mosquée en France. Qu'est-ce qui se passerait? À mon avis... Réparation pendant 50 ans. Ah non, mais déjà, on entend pas un mois. Hein. C'est la nuit de cristal. Le président viendrait sur place. Ah oui, oui, oui, déjà, pour commencer, tout à fait, tu as tout à fait raison. On commencerait comme ça. Hein. Ça serait du sévère. Hein. Bon, là, c'est un Rwandais, donc à partir du moment où on a su que c'était un Rwandais, au revoir. Hein. Ah oui... Oui, alors j'ai hâte, ceci étant dit, pour m'intéresser à nouveau au cas de l'Église catholique, parce que c'est je vous le dis comme je le pense, je vous le dis comme je le pense. Je comprends la réaction des gens qui d'un point de vue patrimonial, on va dire mémoriel, au bon sens du terme, s'inquiètent de l'évolution du patrimoine architectural français. C'est normal de s'en soucier. Donc il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de voir des chapelles être attaquées, incendiées, ou des monuments à caractère religieux d'une certaine valeur, hein, bien évidemment, patrimoniale, être saccagés par des gens pas toujours clairement identifiés d'ailleurs. Bien, d'accord. Très bien, je le comprends. Mais de là à se solidariser de l'Église catholique, qui, pour le coup, dans cette affaire-là, est prise la main dans le sac, a importé du criminel nègre qui crame l'endroit où il est accueilli, il y a un pas que moi je ne franchirai pas. N'est-ce pas? Personne ne va s'intéresser à ce que trafiquent ces curés, à ce que trafique l'évêque de Nantes. Parce que, excusez-moi, c'est lui qui gère le diocèse. Tu l'as bien dit, cher Pierrot, ce nègre rwandais est logé chez les franciscains, donc sous la supervision de cet évêque. À titre gratuit, hein, voilà. Non, mais je veux dire, il en a la responsabilité. Il héberge des clandestins, ouais, dans ses locaux. Alors qu'ils viennent ensuite chialer parce que les cathédrales sont incendiées, c'est un peu fort de café. Ce sont, là, les principaux, ce sont les principaux responsables dans cette affaire, dans cette affaire-là, celle qui nous concerne. Le mec, il file les clés de la cathédrale, enfin, elle est magnifique, cette cathédrale, il file les clés à un clando, quoi. C'est le symbole. Hyper responsable. C'est le symbole. Il a remis... Ah mais attends, Pierrot, excuse-moi, hein, je vais enfoncer le clou. À Bruxelles, la plus grande majorité des églises n'ont pas de porte qui se ferme avec une serrure. C'est-à-dire que la nuit, n'importe quel couillon peut rentrer, foutre le feu, piquer du matériel, se servir, t'as pas de système d'alarme, t'as pas de porte fermée, t'as rien du tout. Le seul truc, on part sur l'illusion qu'à partir du moment où tu as une énorme porte de bronze qui est fermée, personne ne va se dire « je vais quand même essayer de l'ouvrir ». Mais la majeure partie des églises n'ont pas de serrure. Donc tu ne peux pas la clore. Mais ce n'est pas un problème si jamais la majorité du pays est constituée de gens normaux. Il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a rien à voler. Et donc personne n'a validé avoir l'idée de foutre le feu. Enfin, personne ne fait ça. Mais maintenant, vu que le Rwanda est en France, oui, on doit se poser des questions. Bon, en l'occurrence, ils avaient un système d'alarme. On parle quand même de la cathédrale de Nantes, ça va, quoi. Oui, bah, il a mal fonctionné, visiblement. Ah bah oui, un petit peu, ouais. Puis bon, Le type, il avait les clés, quoi. Donc, il avait les clés, il avait les clés, voilà, parce que voilà. l'évêque de Nantes, hein, voilà, qui est quelqu'un qui est très soucieux de sa cathédrale, hein, quand même, remet les clés à des nègres clandestins. Voilà, ça, c'est l'état de l'Église en France, vous voyez, parce qu'on laisse des homosexuels, parce que tous ces mecs à col romain sont des homosexuels, on les laisse importer de la poutre gabonaise pour se faire sauter dans les sacristies. C'est ça, la réalité. Donc, moi, je dis, il va falloir refoutre de l'ordre dans ce bazar. Il va falloir, à un moment donné, je sais pas, il va falloir refoutre de l'ordre. Si on laisse ces sales pédés, au prétexte qu'ils ont un col romain, faire n'importe quoi, il se passera n'importe quoi. Comme par exemple, d'avoir des cathédrales qui flambent. D'ailleurs, entre nous soit dit, puisque nous avons l'explication en ce qui concerne la cathédrale de Nantes, ne pouvons pas nous interroger sur l'origine réelle de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, quelques nègres clandestins ayant des comptes à régler avec monsieur le recteur, qui par ailleurs est l'amant de Mamadou ou autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose qui se serait passé dans les combles? Est-ce qu'il nous manquerait quelque chose là? Mais je ne sais pas, Puisqu'on a une explication sur Nantes, moi je propose qu'on utilise cette piste aussi sur Notre-Dame de Paris. C'est clé de lecture. Et oui, en parlant alors, de clé. Alors là, si effectivement il y a ce genre de connexion, j'aimerais savoir si l'évêque de Nantes est en même temps l'évêque de Montaigu. Oh, je t'ai vu venir. Une histoire de digue, je ne voudrais pas la rompre. Ah oui, c'est ça que je voulais rajouter. En fait, non, c'était non, pour non, ça non, que... Non, mais je veux dire, sérieusement, je veux dire, moi je pose la question, est-ce que Notre-Dame de Paris n'a pas été incendiée par une putain d'ordure de clandestins de merde venant d'Afrique, protégée par le diocèse, et que maintenant tout le monde se chie dessus, à la fois les pouvoirs publics comme le clergé, pour maquiller l'affaire, parce qu'il n'y a pas d'explication, on n'est toujours pas informé de la raison, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, bah c'est... On ne le saura jamais, je pense, pour le coup. Bah, c'est typique typique de la France, quoi. C'est comme AZF, c'est pareil, c'est sauté par hasard, quoi. Les ouvriers maghrébins, ils avaient 5 cibles sur eux, parce que, voilà, ils avaient froid, ou ils avaient froid. Ils avaient froid au cou. La même chose. Ils avaient froid, c'est comme ça, quoi. Donc, non, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Hein. Là, le type était, bon. Il était filmé, c'était trop gros, donc il pouvait pas ne pas le trouver. À Paris, ils chercheront pas trop, quoi. Hein. S'il commence à croire qu'il, enfin, à penser qu'ils essaient de trouver quelque chose, ils arrêteront, quoi. Non, mais ça donne matière à réflexion quand même. Notre-Dame de Paris, un des monuments les plus prestigieux, les plus importants de l'histoire de France, je veux dire, part en fumée. Un an plus tard, il n'y a toujours pas la moindre explication. Et on ne voit pas des pouvoirs publics se ruer pour trouver une explication. On voit bien, au contraire, ils passent à autre chose. Quand vous voyez des pouvoirs publics passer à autre chose, ça veut dire que ces gens-là ne veulent pas trouver parce qu'ils ont déjà trouvé. Et ça, c'est suspect. C'est ça qui est suspect. Et ça, ce qui vient de se passer là avec ce sale nègre du Rwanda, là, parce que Nantes est en train de se faire repeupler de nègres. C'est absolument la folie furieuse. C'est de la folie furieuse ce qui se passe à Nantes. Repeupler de nègres, la cathédrale a failli passer. C'est pas passé loin. Heureusement que ce nègre était un con nègre. Il n'a pas su ce qu'il faisait. Mais on n'est pas passé loin. On a failli perdre des trésors. Des trésors. On a failli perdre des trésors dans cette affaire-là. Déjà, l'orgue, c'est pas mal, hein. C'était un des plus vieux de France. C'est un des plus vieux de France. Je crois que c'était le plus imposant, me semble-t-il. Ah oui, c'était un. Non, mais c'était ouais, un. Cool. Enfin, dans ceux qui. Moi, je suis pas un fan de musique d'orgue. J'ai déjà écouté des concerts d'orgue, mais c'est de la vie générale, en tout cas de ceux qui sont versés là-dedans. Oui, c'était une pièce. Une des pièces les plus remarquables du patrimoine européen. Hein. Ah oui, hein. Et ce n'est plus qu'un tas de cendres maintenant, à cause d'un sale nègre du Rwanda qu'ont importé ces curés. Et là, je te permets... Vas-y. Je confirme ce que tu dis. parce que je connais personnellement quelqu'un qui est attaché à un cercle religieux, qui est une dame, qui est croyante, que je connais depuis des années. Et il y a 5 ou 6 ans, elle m'avait expliqué qu'elle avait hébergé chez elle une Rwandaise, parce que faisant partie de ce cercle religieux, là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'était une paroissienne d'élite, disons, eh bien, elle avait accepté, à la demande du prêtre local, d'héberger une dame, une Rwandaise, comme d'autres paroissiens avaient accepté la même demande. Elle était un peu revenue de cette affaire, parce que moi, je me suis présenté, je dis, elle avait remarqué que j'étais raciste, et je lui dis, oui, je suis raciste, absolument. Mais revenant sur ce constat, elle m'avait expliqué quelque chose, en me disant, toi qui es raciste, virgule, sais-tu comment cette dame, la Rwandaise, ce qui s'est passé avec elle et comment elle a pu retourner dans son pays. Je ne savais pas naturellement. Elle m'a expliqué ceci un jour, elle est repartie voir sa famille au Rwanda. Donc, ça n'était déjà pas une réfugiée qui fouillait le Rwanda. Ça, c'est un. Elle a fait ses valises et elle a pris une grosse malle. Et la dame qui l'hébergeait lui a dit, tu sais, ta malle, tu la prends pour le Rwanda. Oui, mais ça va te coûter très cher, hein, transport aérien, etc. Et elle lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta malle? Ben, j'ai mes robes, j'ai mes blouses, enfin mes habits, quoi. Ben oui, mais tu les rapportes aux gens de ta famille. Ben non, pas du tout, non. Elle est partie au Rwanda, elle est revenue, toujours avec sa malle, remplie. Et là, lorsque la dame a repris la conversation, la Rwandaise lui a dit, mais j'ai montré à toute ma famille et au village comment je vivais en Belgique. Voilà. Or, je vous l'ai dit, c'était le prêtre de la paroisse qui faisait revenir peut-être pas des Rwandais, mais en tout cas des Centrafricains d'anciennes colonies belges pour que les paroissiens les logent. Ça, c'est ce que je vous raconte. La discussion, c'est il y a 5-6 ans. Donc, l'affaire de la Rwandaise, c'est eux plus. Eh bien, cela montre que les prélats catholiques, jusqu'au moindre prêtre, agissent en ce sens. C'est une géante filière d'immigration clandestine en Europe. Exactement. Mais tu n'as pas que ça. Hein. Tu n'as pas que ça, Fulbert. À Bruxelles, tu as une association qui s'appelle l'Étoile du Sud, qui est un truc qui fait des projections de vidéos, de reportages de vacances pour des gens du troisième âge. Et en fait, ces gars-là ont toute une filière pour importer du nègre et faire par cette importation qui devient légal, mais qui à l'origine est totalement illégal, ça fait remplir les caisses de l'asso. Et bon, ben, ça dure depuis que l'association existe. Tu as non seulement l'Église catholique qui retrouve, ils font rien pour rien ces gars-là, hein, donc c'est clair qu'ils y trouvent du pognon, mais tu as toute une sphère d'associations diverses et variées qui ont mis au point des systèmes moyennant finance d'importation de bougnoules avec des pseudo-études, des pseudo-boulots, des machins qui tiennent absolument pas la route. Hein. C'est uniquement pour arriver à passer la frontière, point barre. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est fini. Ils sont dans l'Europe et ils sont perdus de vue et c'est cash. Mais ces associations, soyons très clairs, font du pognon. Alors un détail, pour dire à quel point ça ne tient pas la route, leur truc. Il y a un élément intéressant dans le procès verbal, c'est que le mec du Rwanda, là, ça fait 10 ans qu'il était en France apparemment. Donc le Rwanda, je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs langues officielles au Rwanda, dont le français. Et ben en fait, pendant la garde à vue, le type, il était obligé de demander un interprète. Ça fait 10 ans qu'il est en France, le type ne parlait pas français. Parce qu'il vit en communauté avec d'autres Africains, il n'en a rien à foutre du pays qu'il accueille. Évidemment. En plus, c'est le Rwanda, voilà. Il y a quand même la francophonie, pour le coup, Céline. Ou alors, il faisait, Ou alors, il faisait semblant, parce que bon... Là, les gars, excusez-moi, je vous arrête, parce que le truc, ça consiste à exiger d'avoir un traducteur. Pourquoi? Parce que quand tu passes par un traducteur, les trois quarts du temps, tu ouvres des erreurs de procédure dans ton dossier. Ce qui fait que si jamais le tribunal te condamne, tu peux partir en appel, voire même dans certains cas en cassation, en invoquant des erreurs de traduction. Donc c'est très tactique hein, comme truc, faut pas se leurrer. Ces mecs-là sont très intelligents. D'ailleurs, si un jour tu as des emmerdes à l'étranger, exige un traducteur. Parce ouais, que alors, ça permet... Diabolique, je t'arrête parce qu'en fait, c'est le traducteur, c'est comme pour le médecin, tu as le droit, en tout cas en France, pour la garde à vue. Ouais. Si jamais tu abuses de ce truc-là, tu le demandes alors que tu n'as pas besoin, c'est toi après qui a des problèmes, ça aggrave ton cas. Ouais, mais enfin, quand t'es un nègre, je pense qu'il parlait. Voilà, c'est... Ouais, un nègre. Le mec, il a rien à perdre, hein, aggraver son cas. Il côtoyait forcément des gens, donc les types devaient savoir qu'il parlait français, oui ou non. Il s'en branle. Écoute, t'as pas idée du nombre de traducteurs qu'il y a dans la cour d'appel de Rennes, puisque je précise pour ceux qui ne sauraient pas que Nantes est dans la cour d'appel de Rennes. Et vous avez pas idée. C'est même les dialectes et tout. Vous frottez les yeux. Et quand des Bretons s'expriment en breton, et c'est sérieux, hein, juste pour rigoler, mais donc vous avez tout hein, à Rennes, mais enfin c'est souvent comme c'est la cour d'appel, tous les dossiers remontent à Rennes. Mais ça implique Nantes, comme ça implique Brest, etc. Donc quand vous avez des Mongols, je veux dire des migrants de Mongolie qui arrivent là et qui défendent leur truc, il y a un interprète mongol. Idem pour des Géorgiens, des trucs. Et alors quand les Bretons s'expriment, il y a des témoignages là-dessus. Hein. Donc, quand il y a des Bretons qui s'expriment en langue bretonne en disant voilà, moi j'utilise ma langue, etc., on leur dit parler en français. Il dit je demande un interprète, vous voyez. Alors que bon, à Rennes, c'est pas le problème. Bon, on leur dit non, c'est bon, non, mais vous êtes français, vous parlez français, etc. Point barre. Donc en fait, évidemment qu'ils comprennent le français, c'est pas ce que je veux dire. Mais symboliquement, ce qu'ils veulent affirmer, c'est leur droit à utiliser leur langue sur la terre de leurs ancêtres, en substance. Bon. Et là, les magistrats n'ont aucune espèce de tabou ou de retenue pour leur dire toi, ta gueule, tu parles français. Point barre. Par contre, t'es un mongol clandestin, gaulé, en train d'envoyer d'autres mongols, etc., dans la région de Rennes, mais mon pote, mais t'auras ton interprète de choc. Non seulement ton interprète, mais copie en triple exemplaire, tout ça payé aux frais du contribuable français, parce qu'évidemment, ces mecs-là, ils n'ont pas le premier copec pour honorer l'addition. C'est bien évident. Et comme ils font des appels, des contre-appels, parce qu'ils ont des avocats d'extrême-gauche pour accompagner le dossier... Vous imaginez pas, c'est un business en soi, ça. Les Français, ils savent pas, ça. Ils ignorent totalement l'existence de ces trucs. Ils savent même pas qu'il y a des interprètes... Dans tous les tribunaux de France, hein, il y a des interprètes, en veux-tu, en voilà, dans des sabirs accouchés dehors. Donc, je t'arrête tout de suite, Pierrot, quand tu dis... ouais, mais il fait semblant... Bien sûr qu'il fait semblant. Évidemment qu'il fait semblant. Et bien évidemment que les juges, ils savent qu'ils font semblant. Mais tout le monde fait semblant de ne pas comprendre. Tout le monde joue au con. Pourquoi? Parce que les magistrats, ils veulent sauver la mise du nègre. Parce que c'est un nègre. Les médias, la même chose. Et évidemment, l'élu aussi. Voilà. C'est ahurissant, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est un droit de l'homme. Hein. Je tiens aussi à le préciser. Quel rapport avec les nègres? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi aussi, c'est une interrogation philosophique fondamentale, mais cette question a été tranchée au niveau de l'ONU, et donc, si tu es un bougnoul, tu es un nègre, tu parles un sabir imprononçable, tu as le droit à un interprète. Et si tu n'as pas le droit à un interprète, bah, c'est une atteinte à tes droits. Voilà, donc à charge pour l'État agressé, et pour la communauté agressée, de te fournir les armes pour t'enculer. Mais c'est extraordinaire, mais c'est la démocratie, mais c'est magnifique. Mais allez, franchement, au procès. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez y aller. Allez, allez-y une fois. C'est un régal. Ah, mais allez c'est voir. Un régal. Assister à un procès, c'est un bonheur. Ah ouais, c'est autant du droit que de l'anthropologie. Vous allez être choqués, je vous assure. Allez-y, c'est ceux qui nous écoutent qui disent « Non, j'ai pas envie d'y aller. » Mais allez-y, c'est regardez bien les horaires. Normalement, c'est en milieu de semaine. Hein. Voilà, calez-vous un truc. C'est où qu'on se marre le plus, du coup c'est... Alors, il y a les grands procès, évidemment, pour meurtre. Ça, bon, ça souvent, c'est bondé, parce que tout le monde a envie de voir. Bon, voilà. Mais alors, les procès plus simples, genre en ivrognerie, etc. Alors là, vous voyez un échantillonnage de gens que vous ne voyez jamais, parce que vous ne les voyez pas, ces gens, habituellement. Vous ne les voyez pas. Là, vous les voyez, et vous les voyez en concentré. C'est un carottage. J'appelle ça un carottage sociologique. Et de plus en plus raciologique, d'ailleurs. Mais des faciès, des bobines. Moi, ça m'a rendu beaucoup plus raciste que je ne l'étais déjà. Coller mon nez dans les tribunaux, ça m'a beaucoup aidé. Alors moi, je me marrais formidablement, mais ça plaisait très peu au procureur. J'étais trop bon public. Ça ne plaît pas toujours. Mais allez-y, hein. Non mais allez-y, il faut le voir. Allez-y. Hein. C'est un accès comme ça au public, pas besoin de s'enregistrer, d'être journaliste ou je ne sais pas. Ah non, c'est public, non. Hein. C'est totalement public, il faut nécessairement que tu y ailles. C'est moi, je peux même te dire que c'est un de mes meilleurs coups. Parce qu'en fait, je suis allé un jour à une audience qui était, je crois, une audience correctionnelle. Il y avait une avocate, mais alors une beauté frappadingue, qui se faisait chier à attendre son tour. On a commencé à discuter. Puis à la fin de sa plaidoirie, on est parti ensemble. Et bon, bah, je vous fais pas un dessin. Bah si, fais un dessin. Oh non, quand même, bon. Il y a des enfants. Non, mais d'accord. Alors messieurs, je vous propose de passer à la discussion de la semaine. Commençons par nous allons parler des Juifs. Nous allons parler des Juifs. Ces Juifs sont absolument déchaînés. La haine talmudique à l'état pur. Je crois que je n'ai pas vu ces deux dernières semaines donc un concentré de haine juive comme rarement. Alors bon, évidemment, c'est difficile dans tout ce qui a été dit, fait, commis par ces Juifs d'aller à l'essentiel. Mais enfin, je vais essayer de m'y atteler. Alors, nous avons pour commencer, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon à propos de la mort du Christ. Ça me paraît important, beaucoup plus important qu'il ne pourrait paraître au premier abord. On a parlé un petit peu de religion quelques minutes précédemment. Évidemment, la mort du Christ, le Christ est une figure quand même qui reste extrêmement importante dans la conscience collective occidentale. C'est indubitable que les gens soient croyants ou non-croyants. Ça peut expliquer des polémiques, si vous voulez, d'interprétation, et vous allez voir pourquoi. Alors donc, Jean-Luc Mélenchon est invité, il y a une dizaine de jours, sur un grand média français, et alors, au détour d'une discussion, la question... non pas religieuse de la mort du Christ, en fait, mais c'est une image qui est utilisée en disant, voilà, le Christ crucifié, voilà, mais sans aucun rapport et sans aucune charge religieuse. Et là, voici ce que répond Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, donc, au sens où je ne sais pas si ça existait. Je sais qui l'y a mis, paraît-il, mais ce sont ses propres compatriotes. Sous-entendu, les Juifs. Et alors, voici la réaction de Sacha Goslan, l'ancien président de l'UEJF. Jean-Luc Mélenchon au micro de BFM. Non, il n'entretient aucune ambiguïté sur l'antisémitisme. Les Juifs auraient donc tué Jésus. Rien de neuf sous le soleil. Sur ce réagit Golnadel, la dernière folie de Mélenchon. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qui l'y a mis, ce sont ses compatriotes. Ainsi, l'accusation du peuple déicide est reprise, à l'instar de son mentor Chavez. Les Romains sont blanchis et Vatican II annulé. Bolchofascisme fou. Alors, À noter quand même qu'il a écrit Mélenchon. Mel plus Enchon. Alors, je pense que c'est en référence à Mel Gibson, Gibson la Passion du Christ, et Mel Gibson qui est un antisémite carabiné, comme tout un chacun le sait. Hein. Alors, c'est assez drôle puisque je trouve que Golnadel écrit un petit peu comme Bernard-Henri Lévy sur ses tweets. Alors, le truc qui m'a frappé, c'est « les Romains sont blanchis ». C'est-à-dire qu'en fait... Ils se lavent les mains. Ce sont ces salauds de Romains qui ont tué Jésus. Les Juifs n'ont rien à voir là-dedans. Les Juifs n'ont pas tué Jésus. Ils n'ont rien à voir. Ils regardaient, ils étaient au coin de la rue, ils ont vu Jésus passer comme ça, et ah, les salauds de Romains. Alors, Golnadel est quand même la figure de proue de la droite. Enfin, d'ailleurs, c'est le père spirituel de comment dirais-je, de Marion Maréchal ex-Le Pen. Hein. C'est le patron. Hein. C'est, voilà. Et Marion Maréchal se prétend catholique. Bon, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est ce mec-là qui est censé guider donc la parole de Marion Maréchal. Le type nie le fait que ce soit les Juifs qui aient exigé l'exécution du Christ. Non mais il faut quand même le faire. Faut pas avoir froid aux yeux. Non mais Vatican II proclame plus ou moins la même chose. Et c'est ce qu'il dit. C'est vrai. Oubliez Vatican II. C'est ce qu'il a mis. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que les cathos... Les cathos tradis qui aiment bien traîner autour de Golnadel, bon, ça faisait bien. Je sais pas. Quel est le projet, en fait, quoi. Bah, non, mais non, mais c'est fondamental parce que. Non, mais je veux dire. Pour les catholiques et les chrétiens en général, quel est le sens de la crucifixion du Christ? Faut quand même s'arrêter à ça. Faut quand même s'intéresser à la théologie catholique et à la théologie chrétienne. Si c'était les Romains, c'était juste les Romains comme ça, qui s'étaient... On comprend rien de la mort du Christ. On ne peut rien comprendre, puisque les Romains sont des païens, c'est-à-dire une partie tierce, qui assume le pouvoir politique, puisqu'à ce moment-là, la Judée, la Palestine, est occupée militairement par l'Empire romain, mais l'Empire romain n'est pas partie prenante du débat religieux. Or, quand Golnadel explique que ce sont les Romains qui ont tué le Christ, t'es parti pisser, on sait pas. Ah bon? Mais moi, je lis les évangiles, qu'est-ce que je vois? Je vois le procès du Christ. Fait par qui? Par les pharisiens, en pleine nuit. Qui c'est qui a ordonné l'arrestation du Christ? Sur le mont des Oliviers, qui c'est qui a ordonné ça? Ce sont les prêtres du temple, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui ont procédé à son arrestation. C'est eux qui l'ont arrêté. C'est eux qui l'ont questionné. Torturé. Et torturé. Mais tout ça, pourquoi j'ai fait la petite vanne les Romains blanchis, donc disait Golnadel, je m'en lave les mains. Bah, à un moment, Pilate demande « Est-ce que vous voulez que je relâche Barabbas ou Jésus ?» Tout à fait. Les Juifs ont choisi. Bon, bah, on veut choisir, on préfère Barabbas. Et donc, oui, après, Pilate a dit « Je me lave les mains de ce crime en se lavant les mains. » Et voilà, et maintenant, ils doivent payer. Nous avons Golnadel qui prétend, mais alors, je veux dire, donc, alors que le Juif Golnadel mente, bon, c'est entendu, puisque c'est un Juif, mais que les catholiques acceptent ça sans broncher, que, alors valeur actuelle, ils sont où là? Ceux qui ouvrent les colonnes là, de Golnadel en agitant leur croix, ils sont où? Marion Maréchal, elle est où? Pile poule. Non mais c'est ça, attends, mais voilà, si ces gens-là étaient vraiment croyants, ils cracheraient sur Golnadel, ils ferment leur gueule. Donc c'est que, bon, ouais, ils ont choisi Golnadel et pas le Christ. Faut être cohérent dans son truc. Donc en fait, Golnadel peut complètement dénaturer la portée de l'assassinat du Christ par les Juifs, avec l'aval de la pseudo-droite catholique qui est en fait une droite juive. Parce qu'évidemment, le sens profond de la mort du Christ, c'est que les Juifs rejettent la révélation, qui est l'incarnation du Messie, la venue du Messie, ils la rejettent, ils l'assassinent pour ça, mais, toujours au terme de la théologie chrétienne, Dieu le savait, et le voulait, c'est-à-dire qu'il a intégré la malice des Juifs dans son plan, et Jésus ressuscite. Mais si on dit le Christ, ah oui, Jésus, oui, c'est un Juif, oui, il est passé par là, ah oh, mais ces salauds de Romains l'ont cloué sur une croix, rendez-vous compte, etc. Bon, allez, on est vendredi, c'est Shabbat. Non, si on prend par là, voilà. Mais non seulement ça, mais ces empaffés d'homosexuels de la Conférence des évêques de France ont osé commettre un tweet pour condamner les propos de Mélenchon, qui d'ailleurs, Mélenchon, n'est même pas catholique, même pas croyant, c'est un franc-mac du Grand Orient. Il rappelle une vérité historique, c'est la Conférence des évêques de France qui rappelle à l'ordre le frère Mélenchon pour lui dire qu'il a insulté la divinité de la juiverie. Alors, là, moi, je vous dis... moi, j'arrête, quoi. Je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Ouais. Alors, quand vous voyez un machin, un col romain, un moine à la con... Non, laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Ils croient même pas à leur truc. Ils croient même pas à leur truc. Quelle est la rhétorique de ces gens-là, en fait, leur pile-poule, en fait, hein. Alors les juifs n'ont pas tué Jésus, mais les romains non plus. En fait, toute l'humanité est responsable, et donc on doit tous se repentir, on est tous pécheurs, ça par contre c'est vrai, il n'y avait pas de souci. Alors comment ça se fait que c'est pas les Indonésiens qui ont crucifié le Christ, je comprends pas. Non mais voilà, mais en plus, les évangiles à lumière de... Finalement, c'est juste, on a voulu tuer quelqu'un qui mettait de l'ordre, des ordres politiques. Enfin, t'as rien compris aux évangiles, quoi. Jésus avait annoncé qu'il allait être tué par les juifs à plusieurs reprises avant d'être tué, voilà. Les aborigènes sont responsables de la mort de Jésus, j'ai bien compris, mais c'est quand même un peu bizarre, et comment dirais-je, de voir cette race de truands se laver les mains comme ça du meurtre qu'ils ont commis. C'est inacceptable. C'est inacceptable, et comment dire, voilà, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu, hein, mais je voulais le souligner comme ça, en apéritif, comme ça, pour qu'on démarre de voilà, bien, à propos des juifs. À propos des sales juifs. Alors, restons sur le mensonge, puisque nous avons affaire au peuple du mensonge. Marine Le Pen sur le Veldiv. Alors ça aussi, c'est tout un poème. Marine Le Pen a cru utile. Moi, je ne savais pas qu'elle était utile à quoi que ce soit. Mais enfin bon, elle s'est cru utile. Et elle a cru nécessaire de faire une déclaration sur le Veldiv. Alors le Veldiv, vous le savez, c'était d'abord et avant tout un endroit où on faisait du vélo. Et puis, accessoirement, on a fait une arrestation de migrants clandestins originaires d'Europe de l'Est qui avaient... deux défauts, premièrement d'être juif, bon déjà c'est assez grave, deuxièmement d'être tous des communistes, bon c'est encore plus grave, et ensemble c'est absolument rédhibitoire. Et la police française, extrêmement bien inspirée, je dois le dire, durant l'occupation, avait jugé utile de neutraliser, les différentes cellules marxistes qui voulaient assassiner de bons français, en arrêtant tout le monde et en envoyant tout ça en Europe de l'Est, et je répète que c'était une excellente mesure. Sur ce, Marine Le Pen estime que arrêter des migrants clandestins qui veulent commettre des actes de terrorisme est une très mauvaise chose. Et elle dit ceci. « La commémoration de la rafle du Veldiv nous rappelle au devoir de mémoire face à l'expression la plus abjecte et abominable de l'antisémitisme. Elle nous oblige à la plus ferme et intraitable détermination dans le combat jamais terminé contre ce fléau et ces nouveaux prêcheurs de haine qui aujourd'hui en France ciblent et s'en prennent à nos compatriotes juifs. » Signé Marine Le Pen. Alors pour faire bonne mesure, Robert Ménard, hein, il ne pouvait pas résister forcément, dit ceci, la rafle du Veldiv est l'une des pages les plus affreuses de notre histoire. Une des plus affreuses, hein, je veux dire... 14-18 peut-être. Non, c'est la rave du Veldiv. Pensez à toutes les familles anéanties pour cet infâme. Bon, de toute façon, elles sont censées être crevées, mais elles sont vivantes. Bon, bref. Emmanuel Ménard, enfin, hein, donc la Rombière 2, il y a 78 ans, des milliers de nos concitoyens ont été raflés au Veldiv, puis déportés en camp d'extermination. Impossible d'oublier cette abomination. Alors, oui, c'est une abomination que sont tous ces tweets, ces déclarations de la part de la droite française. Non, bref. Je vous donne la parole, je la prendrai après, mais je tenais quand même à signifier, donc dans la droite ligne, on parlait hein, des gens, permettez-moi simplement de contextualiser, mais à l'origine, d'après la droite française, de la civilisation occidentale, se trouve un événement crucial qui est l'assassinat du Christ par les Juifs sur la croix. Le christianisme. C'est un élément fondateur de la civilisation occidentale, tel qu'on la comprend, tel qu'on la conçoit. C'est pas le seul élément, mais c'est un élément central. J'ai présenté la réaction des Juifs très récente au propos de Mélenchon. Vous avez compris que ces sales Juifs sont prêts au pire mensonge pour essayer de maquiller le meurtre deux millénaires après. De peur qu'on leur demande des comptes. Évidemment. S'ensuit les réactions des intéressés, pour lesquels, visiblement, ce n'est pas le sabotage de ces sales Juifs qui est en cause, mais le bien-être de ces sales Juifs qui est en cause. Ça ne vient pas de la gauche, ça ne vient pas du centre, ça vient de ce qu'on appelle communément l'extrême droite, et du Rassemblement National, et de cette sinistre alcoolique qu'on appelle Marine Le Pen. Alors, je vous donne maintenant la parole, après avoir pris le temps de recontextualiser, parce que je veux savoir ce que vous en pensez. Et je crois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait à la suite de ça. Elle a eu son petit sucre de la part du fils Klarsfeld. Ça fait longtemps que Marine Le Pen... Non, pas le fils, hein, du père. Ah, c'était le père. Ah, l'archevêque. Oui, l'archevêque. Le fils qui a repris ça. Ah oui, oui, le président de l'association des fils et filles de déportés. Hein, et d'accord, donc le vieux... Le beau-frère et belle-sœur. Pas le triseau, quoi. D'accord. Je les confonds souvent. Non, le triseau, il peut pas, il peut pas parler, hein. Et quels sont vos faits? Et quels sont vos faits? Oh la vache. Non mais il doit se baver dessus. C'est d'ailleurs frité avec Ménard en plus pour le coup, c'est marrant, on parlait à lui juste avant. Il lui a balancé un merdeux à la gueule. Voilà. Pour le coup, je suis plutôt du côté de Klarsfeld sur ce coup-là. Même. Donc oui, oui, ben, l'archevêque là, de la Shoah a donné... il a consenti à jeter un regard sur Marine Le Pen. Oui, un là, regard. Il a pu la regarder. Puisque, un regard. Il a esquissé un regard. Et puis après, bon, il a regardé. Il est retourné méditer sur l'indicible. mais il a regardé Marine Le Pen pour, à la fois, lui donner quelques poussières de République. Hein, pour qu'elle soit acceptée. Donc. Voilà, elle a eu ce qu'elle cherchait pour le coup, effectivement. Quelques cendres peut-être de République. quelques parcelles de divinité, pas trop. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous citer le message de l'autorité supérieure. Il dit ceci: l'antisémitisme est dans l'ADN de tout parti d'extrême droite en France. C'est déjà une déclaration. Je la conteste pas. Mais ça pose le rapport de force. À partir du moment où la présidente du Rassemblement National a condamné de la façon la plus ferme la rafle du Veldiv organisée par la police de l'État français de Vichy, elle a renié son père. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit voilà, le rapport de force, c'est tout parti d'extrême droite est antisémite. Voilà, ça c'est c'est la cartographie du problème. À partir du moment où elle reconnaît la responsabilité de l'État de Vichy, elle a renié son père. Donc, on arrive sur Vichy, on passe à son père. Vous voyez, ils établissent les rapports. Hein. Donc Marine Le Pen est une parricide, symboliquement. C'est ce que dit le juif Klarsfeld, et il s'en félicite. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Hein. Il enchaîne. Il précise donc que le père de Marine Le Pen est un laudateur de Philippe Pétain. Le devoir de mémoire qu'elle rappelle inclut la mémoire des chambres à gaz où ont péri les milliers d'enfants de la rafle et de leurs parents. Notez bien, et ça c'est fondamental, ce détail. Le détail de l'histoire, comme disait Jean-Marie Le Pen. Et en fait, comme le disait aussi Forisson, précisément... L'erreur qu'a commise Jean-Marie Le Pen en parlant de détails, c'est qu'il n'a rien compris, parce que ce n'est pas le détail, c'est l'essentiel. Les chambres à gaz ne sont pas un détail, c'est la totalité du problème, et cette totalité repose sur un fait simple, elles n'ont pas existé. Et c'est parce qu'elles n'ont pas existé que les Juifs glapissent après Marine Le Pen pour qu'elles disent qu'elles ont existé. moi je ne peux qu'inviter tous nos auditeurs, même les plus sceptiques, à s'intéresser à la littérature révisionniste, la plus sérieuse, et la plus ample d'ailleurs, parce qu'il y a de la matière, hein. Les victoires du révisionnisme de Robert Forisson. Que nos auditeurs s'intéressent à ça. Ils vont tomber des nues, parce qu'ils vont pas du tout trouver ce qu'on leur a dit qu'ils sont censés trouver. Et que le juif Klarsfeld ne soit pas satisfait du propos de Marine Le Pen, alors que c'est un propos extravagant en soi, et dise « Oui, mais d'accord, d'accord, très bien. Très bien. Mais... Et les chambres à gaz, Marine Le Pen? Et les chambres à gaz? Où sont-elles, les chambres à gaz? Il nous les faut? Il nous les faut dans la comptabilité? Il nous les faut? Où sont-elles? Vous comprenez? Alors que si vous aviez été victime d'un génocide ou je ne sais quoi, je ne sais pas, imaginez, génocide cambodgien ou quoi... Une partie du voilà, allez, dites que voilà, c'est, ça existait. Alors la personne dit oui, oui, ça existait, d'accord, très bien, oui, c'est malheureux, c'est dramatique, etc. La personne serait contente. Eux, non. Eux, ils veulent que vous rentriez dans les détails pour valider un détail technique qui paraît absolument insignifiant, comme ça, lu de travers, c'est l'affaire des chambres à gaz. Parce qu'elle est tellement bancale. Que si personne ne signe en bas du papier, qui c'est qui va y croire? Sur la longue durée. Et c'est tout le problème qu'ils ont. Tous ces juifs sont en train de se livrer à un numéro, leur numéro favori, le numéro d'escroquerie, et ils se livrent à un chantage. Ce papier est un chantage. C'est un contrat de chantage. Ces youtres ne changent pas. Ils mettent le contrat du chantage sous le nez de Marine Le Pen. Ils lui disent, voilà, tant que tu reconnais pas ça, t'auras pas ton quitus. Vous appelez ça un peuple moral, vous? En train de négocier sur des cadavres qui n'existent pas, ceci étant dit, mais à les en croire, ils existent. Eh ben, ils négocient avec des osselets. Ça leur fait pas froid aux yeux. Ils font même de l'argent avec des cadavres. Ça vous dit la moralité de ces gens. Donc voilà. Donc moi, je voulais m'arrêter quand même avec insistance là-dessus, parce que Marine Le Pen effectivement est une parricide, c'est une femme veule sans aucune espèce de moralité qui est prête à tout les reniements et à toutes les reptations devant la juiverie pour essayer d'avoir un peu d'attention, en sachant qu'à chaque fois qu'elle cède et que quiconque cède aux juifs, il se fait immédiatement gratifié par un crachat à la gueule par la juiverie. C'est systématique, c'est le seul salaire que connaissent les juifs, c'est un crachat à la face. Peu importe ses reptations, peu importe la façon dont elle s'humilie en public, elle se fera quand même cracher dessus. Et j'en viens à cette conclusion, je pense que Marine Le Pen prend du plaisir à se faire humilier et insulter par les juifs. Je pense que c'est un plaisir secret. Chez elle, c'est perdre sa dignité, et chez elle, une véritable passion secrète. C'est ce que je pense. Le même jour, d'ailleurs, c'est vérifié, sur un réseau social, Twitter pour ne pas le nommer, la LICRA, donc autre association juive, pour le coup, s'est empressée de dire que, finalement, malgré tout ça, Marine Le Pen était toujours la présidente d'un parti néo-nazi, je sais pas quoi, parce que fasciste, machin. En fait, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, ça ne sera jamais assez. Voilà. Et le problème, c'est que si vous commencez à faire des petites concessions aux juifs, eux, ils vont demander après le centuple. C'est sans fin. C'est sans fin. Surtout... Juste un petit truc, sur cette histoire de chambre à gaz magique. Moi, je suis, à titre personnel, je pense que c'est aussi le cas pour les participants de l'émission, convaincu que c'est vraiment un sujet fondamental, le révisionnisme. Surtout ce petit détail technique, ouais. On peut se poser la question, effectivement, pourquoi est-ce que les Allemands auraient choisi cette méthode d'exécution très compliquée, très coûteuse, sans plan, sans budget, sans papier, sans documents, sans rien. C'est quand même bizarre pour un peuple qui est quand même censé porter sur l'efficacité, la fameuse efficacité allemande. Tout ça est très louche. Je pense que si demain, imaginons, on arrive à la conclusion officielle, reconnue par tous, que les chambres à gaz n'ont pas existé, en fait, ça change tout. Et c'est aussi pour ça que les Juifs insistent. Ils insistent parce que si demain ça arrive, ça veut dire que les Allemands n'ont pas cherché à systématiquement éliminer les Juifs. Alors, effectivement, il y a eu des éliminations de juifs, mais je veux dire, c'était pas une décision politique. Et s'il n'y a pas ça, en fait, si c'était juste des sortes de dommages collatéraux, le visage des nationaux socialistes change complètement. Après, on peut dire, oui, bah, quoi, dommages collatéraux. Effectivement, je crois que les Américains ont balancé deux bombes atomiques sur le Japon. C'est aussi un petit dommage collatéral. Je ne vais pas parler de Dresde. Voilà. Ça change tout. Je pense que c'est un sujet crucial. Voilà. Il est d'autant plus crucial de par sa dimension religieuse, en réalité. En fait, ce à quoi on assiste, en fait, avec l'Holocauste, enfin, le mythe de l'Holocauste et la religion de l'Holocauste, c'est à la formation effective de ce qu'on appelle le judéo-christianisme. En fait, il n'y a jamais eu de judéo-christianisme. Ça n'a jamais existé en tant que tel. Mais depuis 50 ans, ça existe. Et qu'est-ce que c'est le judéo-christianisme ? En fait, c'est l'acceptation par des masses chrétiennes qui conservent la matrice fondamentale du christianisme, qui est une matrice, selon moi, misérabiliste, et à ses origines révolutionnaires, c'est-à-dire une volonté de renverser l'ordre établi pour instaurer l'égalité. Mais enfin, c'est un phénomène qui devient possible à partir du moment où en fait les masses chrétiennes quittent le christianisme en masse, se sécularisent, sans se départir de la mentalité chrétienne égalitariste, et qu'elles tombent sous la coupe, grâce à la démocratie, du judaïsme, c'est-à-dire des juifs. Mais pas du judaïsme religieux. C'est du judaïsme comme phénomène culturel, c'est-à-dire comme systématisation du principe révolutionnaire égalitariste, qui est fondamentalement juif. Et ça a été rendu possible par le marxisme. Mais au fond, le marxisme et le socialisme, mais au fond, le marxisme et le socialisme, ce n'est jamais que des gens qui quittent le christianisme, des goyes qui quittent le christianisme, pour rentrer dans l'utopie chrétienne sur Terre, et non pas au paradis. Mais pas dans n'importe quelle condition, c'est sous l'inspiration de Marx, qui est un fils de rabbin. Et ce que je vois avec, finalement, la religion de l'Holocauste, le mensonge de l'Holocauste, et avec les Juifs, il ne pouvait s'agir que d'un mensonge, c'est la formalisation de cette convergence. C'est-à-dire que ces masses chrétiennes, sécularisées, ayant abandonné le christianisme comme religion, comme système religieux, étaient prédisposées à l'influence sémitique. Et la juiverie, avec sa formule politique marxiste, a pu prendre l'ascendant sur ces gens. Et l'Holocauste devient en quelque sorte la nouvelle crucifixion de ce processus. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Juifs réagissent si mal, comme on l'a montré un petit peu avant, quand on évoque leur responsabilité dans l'assassinat du Christ. C'est parce que soudainement, de peuples accusateurs, puisque les Juifs, et aussi, race aussi pourrie qu'elle soit, est une race qui brille par l'accusation des autres alors qu'elle a les mains jusqu'au coude dans le crime. La juiverie, quand on rappelle le meurtre du Christ, est enfin sur le banc des accusés et non plus des accusateurs. Quand elle est sur le banc des accusateurs, vous les avez vus à l'œuvre, ça donne le procès de Nuremberg. Donc un procès truqué où on prend des gens à terre pour les assassiner. Ça vous rappellera sûrement le procès lui-même du Christ. Et quand on rappelle le meurtre du Christ, soudainement le juif rentre en crise, puisqu'on lui rappelle sa culpabilité fondamentale. Et l'Holocauste permet d'effacer tout cela et de porter, dans la longue durée, l'accusation contre les goyes. Et d'ailleurs, n'appelle-t-on pas Satan l'accusateur ? Tout ça est très cohérent. Et le juif, utilise le mensonge de l'Holocauste comme une nouvelle croix pour culpabiliser les peuples blancs, pour les soumettre, et pour les soumettre au sort qu'il a arrêté pour eux, à savoir leur destruction complète Et c'est là qu'intervient l'immigration, bien sûr. Sous couvert d'antiracisme, ça va sans dire. Et là rentrent toutes les organisations comme le CRIF, la LICRA, l'UEJF, pour ne citer que la France, on pourrait citer l'ADL aux États-Unis, etc. Dans le même temps, ces gens sont occupés à construire un État raciste de droit divin qu'on appelle l'État d'Israël, hein, bien sûr. Donc, tout ça se tient, et l'Holocauste est la clé de voûte de cette escroquerie historique juive. Tant que des cons de goy croiront à ça, ils se feront racketter par les Hébreux. Ce que nous appelle à faire Marine Le Pen. Alors moi je dis à Marine Le Pen... Alors elle va peut-être y gagner hein, dans l'opération. Elle va peut-être gagner, je sais pas. Politiquement, elle y gagnera, c'est sûr. Un tout petit peu. Parce qu'ils bon, n'ont pas envie d'en faire une présidente. Hein, mais elle a gagné un peu. Mais, pardonnez-moi, moi je suis pas à la tête du Front National. Je suis pas en train de vendre mon cul pour essayer d'obtenir quelque chose. Donc je dis à cette morue sans dignité, veule au dernier degré... de continuer sa route vers le caniveau, en courtisant Golanel, mais moi j'invite franchement les Français qui se tiennent encore debout à refuser absolument ce marchandage avec le démon. Catégoriquement, ne commercez pas avec les Juifs. Ne commercez pas avec les Juifs. Pour ceux qui connaissent, ou même ceux qui ne connaissent pas, je les invite à faire une petite recherche. Sur Google Images, le tableau de Chagall, qui est un peintre juif, il s'appelle La Crucifixion Blanche. Je pense que tu dois connaître Gandalf. Ça représente le Golgotha, si tu veux, le juif, Jésus sous les traits de, pour le coup, avec les habits juifs rituels des Yiddish, en fait. Hein. Et, oui. Et les souffrances. Présumé d'innocents juifs en Europe. Hein. Donc on dit c'est avant-guerre, 1938, mais bon, ils sentaient déjà qu'il y avait. C'était des temps messianiques déjà à l'époque. Hein. Donc, ça, comment ça s'appelle, comment dire, cette représentation-là, donc ce vol pour le coup, hein, c'est Golnadel. Cette là, appropriation qui, culturelle. Dit, ouais, mais comment ça, nous ne sommes pas coupables. Cette pousse-toi de là que je m'y mette. Hein, c'est, tout à fait. Oui, non, mais en fait, on l'a peut-être que oui, on l'a mis sur la croix, mais en fait, c'est nous, quoi. C'est nous qu'on a souffert en même temps. Donc, bon. Hein, c'est surtout nous qu'on a souffert, et même s'il n'y a que nous qu'on souffre. Hein, c'est, oui. Bon, c'est le. Comment dire. La jalousie hein, de Jéhovah, hein, c'est l'unique. Hein, c'est, oui. Bon. Le nombrilisme hébraïque. Hein. Et le nombrilisme hébraïque, et donc c'est ce que. Enfin, cette représentation-là, c'est ce qui a lieu de. Comment dire. De décor dans l'univers contemporain des catholiques modernistes. Hein. C'est exactement ça. D'ailleurs, enfin. Bergoglio apprécie particulièrement cette toile-là de Chagall. Hein. Ce n'est pas pour rien. Alors quelqu'un qui aime. Je précise que c'est une peinture à l'huile. Voilà, son importance. Oui. Quelqu'un qui apprécie un peintre comme Chagall est forcément moins qu'une merde. Ah, tu es un fils de pute. Toi. Ah ouais, c'est plastiquement, c'est de la merde en barre, mais d'une. C'est juif, c'est-à-dire que c'est consubstantiellement juif, ça sent la chialerie manipulatrice, ça pue. C'est horrible, hein. C'est horrible. Je rêve, moi j'ai eu fait des rêves où je pétais des vitraux de Chagall, que j'ai eu le malheur de voir de mes yeux vus, j'en rêve des fois la nuit... Oui, ce sont des vitraux à base d'huile d'olive, oui. C'est absolument écœurant. Un des artistes, entre guillemets, qui suscite le plus chez moi de révulsion. Vraiment, je vous assure. Hein. Ah non, bien sûr, c'est le juif par excellence, pour le coup. Lui, voilà, le Golgotha, c'est pas nous qu'on a tué, c'est arrêtez de nous persécuter, on est Jésus, hein, c'est pareil. Mon fils, il a rien fait. C'est très, très, très pourri. Et voilà, on y vient. Il y a une racine commune, hein. Il y a une racine commune, hein. Faut pas rêver, hein. Bah, c'est le sémitisme, hein. C'est ce qu'on ne me dise pas que ces gens-là sont des Européens. Hein. Ah bah c'est l'avant-garde de l'Occident. Oui, non, mais on dit qu'ils... Certains disent que ce sont seulement des Khazars, etc., etc. Non, non, non, non, non. Il y a le sémite. Enfin bon, il y a qu'à voir les têtes. Non, mais attends, l'histoire des Khazars, ça a été complètement démonté au plan juridique. Oui. C'est stupide. Non, ce sont des sémites. Ce sont des sémites. Tout à fait. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes et ils s'en vantent. Et ils ont bien raison. À base d'études génétiques, ils ont bien raison et elles sont recoupées. Donc, non, ce sont des sémites, bien sûr. Alors messieurs, poursuivons sur ce procès des juifs. Enfin, nous sommes à la phase préparatoire, hein, c'est pas le procès en tant que tel. C'est l'histoire des Ouïghours. Alors, je le confesse très humblement, le sort des Ouïghours m'indiffère totalement, ça ne m'intéresse pas, je vous le dis comme je le pense. Voir nous fait marrer parfois, hein, quand même. Si on me demande de prendre position, je prends résolument position pour le gouvernement chinois. Je vous le dis, bon, voilà, ça m'amuse énormément. Ils ont des camps de concentration, mais qui sont... Bon, c'est pas non plus, si vous voulez, bon, voilà, ils sont pas... Mais bon, ils les foutent dans des camps, ils leur bottent le cul, ils les forcent à bouffer du porc. Enfin, tout ça est très rigolo. Et à vrai dire, si j'avais la main sur les musulmans en France, j'aime autant vous dire que ce que subissent les Ouïghours actuellement en Chine, si tant est que tout est vrai, ce que je questionne quand même, ce serait le régime allégé. Hein. Pour ma part, ce serait un régime quand même un peu plus ambitieux. Et puis s'ils sont pas contents, bah, je leur offrirais la porte. Hein. Ils pourraient se tirer dans leur pays et pratiquer leur religion comme ils le veulent, bah, chez leur femme. Très bien, ça m'indiffère tant qu'ils le font pas chez moi. Bon, tout ça est entendu, mais les Juifs... qui, comme vous le savez, en Palestine, sont les grands amis des musulmans. Pas besoin de le rappeler, les Juifs sont les amis des musulmans. Eh bien, les Juifs ont une posture très différente. D'ailleurs, c'est Valeurs Actuelles qui m'a mis la puce à l'oreille, je le confesse, puisqu'ils ont publié un article qui parlait de l'enfer des Ouïghours en Chine. Vous voyez. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est Valeurs Actuelles qui est une propriété juive, hein, et qui fait fonds de commerce de la haine des musulmans en France, enfin, un point où c'est tapageur d'ailleurs, s'est converti en fait à la cause des droits de l'homme des musulmans en Chine. C'est très curieux quand même que, en fonction de la latitude et de la longitude, l'interprétation des problèmes varie. C'est très curieux au plan moral. Alors, je viens maintenant au fond du truc. Donc Libération nous a gratifié d'un long article accusant, ni plus ni moins, hein, la Chine de génocide contre les Ouïghours. J'ai tendance à dire Ouïghurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à... Ouïghurs, Ouïghurs, ça c'est un peu... Alors, je vous lis des extraits de l'article. En 2018, 80% des stérilets posés en Chine le sont au Xinjiang, qui ne représentent que... Ah ouais, bon, je parle pas chinois, mais je te fais confiance, qui ne représente que 1,8% de la population. En 2019, un canton planifie la stérilisation en un an de 34% des femmes en âge de procréer. Une sur trois. La même année, quatre préfectures rendent obligatoire un test de grossesse tous les 15 jours, et un autre canton décide que les femmes qui refusent d'interrompre une grossesse illégale seront envoyées en camp. En 28 pages, le chercheur allemand Adrien Zenz démontre, à partir des données chinoises, que l'État-parti, notez l'expression, hein, l'État-parti, est engagé dans une campagne d'entrave aux naissances d'un groupe ethnique. Soit l'un des 5 critères du génocide, comme défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies en 1948. Région de l'ouest de la Chine, le... Bon, moi, je vais lire comme j'ai ça sous le nez. Le Xinjiang, toi, tu dis comment? Le Sichuan. Le Sichuan, voilà. Concentre quelques 25 millions d'habitants pour moitié issus de minorités ethniques musulmanes. Or, depuis 2016, la courbe de naissance dans les cantons à majorité ouïghour a chuté de manière vertigineuse, tandis que les cantons à majorité Han, ethnie majoritaire en Chine, connaissent des taux de croissance jusqu'à 8 fois supérieurs. Le sinologue avait été le premier à apporter des preuves de l'enfermement extrajudiciaire d'au moins 1,5 million de Ouïghours dans les camps de rééducation depuis 2017, sous prétexte de lutter contre l'extrémisme, le séparatisme et le terrorisme. Après avoir nié l'existence des camps, Pékin les a présentés en octobre 2018 comme des centres de formation professionnelle à grand renfort de propagande et de mise en scène similaire à celle organisée par les nazis à Dachau en 1934. Vous avez vu, hein, pas longtemps hein, basculé sur le point précédent. Hein. La suppression des naissances... Ah, c'est une belle formule, ça. La suppression des naissances. On est sur Libération, là, je précise. Piloté au plus haut niveau à Pékin, a pour but de réduire le nombre de Ouïghours qui affaiblissent l'identité nationale et l'identification à la nation race chinoise. Elle a été précédée par l'envoi massif de migrants Han alléchés par des logements et des terres gratuites. Après avoir échoué à siniser la région de manière pacifique et avoir constaté la déconstruction par les intellectuels de l'idéologie communiste de lutte des classes, le pouvoir, obsédé par un effondrement possible du régime, utilise des méthodes fascistes telles que la persécution, voire l'élimination des ethnies minoritaires, analyse un historien chinois sous couvert d'anonymat. Il est anonyme, on ne sait pas qui c'est, et il n'existe probablement pas. Les contraceptions... Mais c'est un ramassis de conneries, hein. Attends. Les contraceptions, stérilisations et avortements forcés sont menés en parallèle au lavage de cerveau des enfants. Envoyés dans des pensions... Oh putain de merde. Envoyés dans des pensions... Attends, c'est mon choix. C'est passé où, ça? Envoyés dans des pensionnats ultra-sécurisés, de la séparation des familles et de la campagne Devenir Famille, où des centaines de milliers de fonctionnaires Han sont envoyés chez les Ouïghours pour les faire manger du porc, boire de l'alcool et dormir dans le lit des femmes seules. Les politiques violentes qui visent les femmes et les enfants de manière si spécifique me semblent extrêmement préoccupantes dans la mesure où tous les génocides visent la rupture de la filiation, affirme l'historienne Hélène Dumas, chargé de recherche au CNRS. Alors donc, je résume pour nos auditeurs. Contraception pilotée par l'État, migrants, et lavage de cerveau des enfants. Tout ça étant constitutif, je cite au terme du selon le CNRS, d'un génocide. Est-ce que par hasard, mais très lointainement, cette histoire de promotion donc du planning familial, hein, du contrôle des naissances, de l'arrivage de migrants et du lavage de cerveau des enfants pour parvenir à, je cite, la rupture de la filiation, vous rappellerait quelque chose qui se déroule aujourd'hui dans le monde blanc et qu'on appelle la démocratie. Est-ce que... De loin. C'est hallucinant, hein, le manque de recul qu'ont ces gens. Là, c'est Nana, Hélène Dumas. Cette Nana-là serait probablement choquée que nous comparions le cas de monde blanc qui est sans retrait. Ça n'a rien à voir. Hein, non, les femmes peuvent avorter tant qu'elles veulent en Occident, c'est normal. Hein. Ah, c'est pas tant qu'elles veulent, elles y sont activement encouragées dès l'école. Ils sont activement encouragées, oui, tout à fait. Et puis si tu tentes de décourager des jeunes filles d'avorter, oui. tu risques de... Alors assez justement, gros, hein. Justement, c'est ce qui est qualifié au terme de la loi française depuis 3 ans, de délit d'entrave à l'IVG. Exactement. Alors, entrave au progrès. Permets-moi de citer le titre de l'article que je viens de lire dans Libération, qui est signé par Laurence Defranou et qui a été publié le 20 juillet. Ouïghour, l'entrave aux naissances, un critère de génocide. D'accord ? Bon. Sous la plume de Virginie Ballet, le 30 novembre 2016, toujours dans Libération. Délit d'entrave à l'avortement, les réacs à l'attaque. Voilà. C'est bizarre, quoi, selon l'endroit où tu te situes, tu peux entraver les naissances ou pas. Bah alors, c'est quoi le critère qualifiant? Qu'est-ce qui légitime alors pourquoi c'est un délit quelque part et pourquoi c'est un droit ailleurs? Bah parce qu'en Europe, visiblement, la race blanche pose problème à des gens. pose problème et visiblement les patrons, enfin les actionnaires de Libération, oui, ont des problèmes aussi avec certains peuples et pas d'autres. Oui, ils ont des problèmes avec les Chinois et avec les Blancs et pas vraiment avec les musulmans ou les nègres. Exactement. Rappelle-moi le nom du patron de Libération. Drahi. Ah, il est millionnaire, non, cet homme-là? Milliardaire. Est-ce qu'il a la citoyenneté israélienne, je pose la question. Non, mais nos meilleurs alliés contre l'invasion, je veux dire. Parce que là, on est dans le dur de la résistance contre l'islamisme. Je veux dire, là, pour le coup, les Chinois... Bon, il n'y a pas de génocide, hein, soyons sérieux. Il n'y a pas de génocide au Xinjiang ou au Sichuan, comme tu dis. Mais ils prennent des mesures très fermes de contrôle des éléments radicaux. Ça, c'est très clair et c'est bienvenu. Là, on voit toute la duplicité des Juifs vis-à-vis de la question du djihadisme. C'est-à-dire que, en fait, quand ça sert leurs intérêts géopolitiques, comme en Syrie, ou comme en Libye, ou comme en Irak, ou comme en Afghanistan, ils soutiennent les éléments les plus radicaux du monde musulman. Quand ça dessert leurs intérêts, comme en Palestine, soudainement, on arrête tout de suite, on fait alliance avec Sisi en Égypte, donc un dirigeant militaire égyptien, pour traquer les islamistes. Idem dans la bande de Gaza, et idem bien sûr en Cisjordanie, c'est le même truc. La race juive. Et là, ils sont en train de chercher des poux aux Chinois. C'est, d'après vous, qu'est-ce que ça va donner, ça? Est-ce que vous croyez que les Juifs... Parce que là, ils sont en train de chatouiller les Chinois. Permettez-moi quand même, avant de vous donner la parole, parce que je vais citer ça, parce que les gens sont peut-être pas au courant. Les réactions des Juifs. Là-dessus. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors, juste pour comprendre à quel point c'est une affaire juive. Parce que les gens pourraient nous dire, ouais, mais bon, voilà, d'accord... c'est en Chine, on s'en fout, ça nous concerne pas. Ça nous concerne visiblement, puisque tous les médias en parlent, et ils veulent que vous soyez concernés, si vous en croyez les titres qui se multiplient. Il y a des gens qui veulent que vous y soyez intéressés. C'est curieux, c'est les mêmes gens qui vous écrivent que ce qui se passe en Chine, au Sichuan, c'est un génocide, et que ce qui se passerait en Europe, dans le monde occidental, ce n'est pas un génocide, c'est le progrès. Bah, je vais les citer. Anne Sinclair, donc la papesse du journalisme français, de son vrai nom Schwartz. Bravo à Libération d'avoir publié ses témoignages sur les atrocités contre les Ouïghours. Génocide, torture, stérilisation forcée. Des témoignages insoutenables, et l'Occident se tait, en échange des masques et de composants du Doliprane. Le CRIF, le 22 juillet, vive inquiétude au sujet des pratiques génocidaires, là c'est décidé, hein. Des pratiques génocidaires révélées dans la région putain, ils me font chier avec leur nom, là. Du Xinjiang, moi je m'en fous. Contre les Ouïghours, ces actions violentes d'intimidation, de persécution et de répression sont inacceptables, nous ne pouvons rester silencieux. Le CRIF, hein. Voilà, ils prennent à partie la Chine. La LICRA, la communauté internationale doit agir et réagir. Un crime de masse contre les Ouïghours est commis sous nos yeux dans l'indifférence absolue et générale. La sénatrice juive Nathalie Goulet dit, de son vrai nom Milstein, applaudit quand Valigny, un pauvre sénateur socialiste, dénonce le génocide au Xinjiang. Je pourrais noter aussi le juif Tenzer, Nicolas Tenzer. Je salue ses propos forts et sans ambiguïté de Jean-Yves Le Brian. Il était en effet essentiel de désigner le régime auteur de ces crimes. Il importe désormais de les qualifier et de tirer toutes les implications légales et politiques de ces incriminations. Donc les juifs nous disent qu'il faut aller en guerre contre la Chine. Enfin, ça c'est Glucksmann qui s'exprime, Raphaël Glucksmann, eurodéputé. Enfin, en France et en Europe, le mur du silence qui entoure la déportation des Ouïghours se fissure. La leçon, même lorsque vous avez l'impression d'être seul à crier et de prêcher dans le désert, oui, effectivement, il vient du désert, donc il prêche dans le désert, criez, nous dit-il, de proche en proche, de cri en cri, un élan de solidarité peut naître. Maintenant, ce mouvement doit s'amplifier pour obliger nos dirigeants à parler et surtout à agir. L'UE et la France doivent annoncer des sanctions contre les dirigeants chinois impliqués dans ce crime contre l'humanité. Oh, ça nous rappelle une petite chanson, ça, qui date de Nuremberg. Bref, alors messieurs, là maintenant je vous donne la parole, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais il fallait quand même bien contextualiser cette espèce énième escroquerie juive, hein, après les couveuses de Saddam Hussein... les gazages d'Adolf Hitler et de Bachar al-Assad, maintenant c'est le génocide du Xinjiang. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon, je suis extrêmement blasé par le fait que, déjà, quand tu vois les efforts qu'ont fait le Troisième Reich pour obliger ces gens à choisir le métier d'artiste peintre pour pouvoir peindre les ailes des Messerschmitt et voir comment ils ont été récompensés, et à chaque fois, c'est le même cirque. C'est-à-dire que ces gens ne supportent pas de travailler, et dès qu'il y a possibilité de dénoncer des trucs qui n'existent pas, eh bien, hop, en avant, c'est parti, ils y vont. Les Juifs, toujours les Juifs, rien que les Juifs. Les Juifs veulent chatouiller visiblement les Chinois, la Chine, dont ils redoutent apparemment l'ascension, parce que les Juifs ne s'amuseraient pas à leur coller une accusation de génocide qui est dans le jeu juif. La reine des cartes, sans avoir une arrière-pensée. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, vaste sujet. ce que j'en pense, comme ça, hein, le premier jet, il y a peut-être une corrélation, peut-être, parce que franchement, j'en sais rien, mais il y a peut-être une corrélation avec ce qui se passe aux États-Unis. Avec le fait que Trump ait désigné il y a quelques années l'ennemi potentiel économique et politique des États-Unis comme étant la Chine et non plus la Russie, il n'est pas impossible que les Juifs français, parce que je crois que c'est surtout une question de Juifs français dans ce qui nous occupe. Je vous dirai pourquoi après. Les Juifs français, à mon avis, suivent des instructions qu'ils ont reçu des États-Unis, par les Juifs américains naturellement. Je dis que c'est une affaire de Juifs français, pourquoi? Parce que dans la presse belge, ça fait quelque temps, bon, l'affaire des Ouïghours est relativement récente, elle n'est pas toute nouvelle, mais dans la presse belge que je consulte pratiquement tous les jours et sur plusieurs journaux, je trouve parfois un article de loin en loin sur l'affaire des Ouïghours, mais je ne trouve que très très peu de choses. Par contre, dans la presse française, ce n'est pas rare du tout. C'est ma première sensation. Oui, tu as tout à fait raison. Nous avons affaire à une offensive géopolitique de la part, évidemment, de la juiverie globale qui cherche à entraîner l'Europe dans la confrontation avec la Chine. Que souhaite la juiverie américaine? C'est tout à fait clair. Et c'est très bien senti de ta part, c'est un commentaire très court, mais très éclairé sur la situation. Et tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Moi, j'ai une autre sensation, c'est qu'il y a ce que les Américains appellent le Deep State. On en a déjà parlé, donc l'état profond. Ce Deep State aux États-Unis, c'est le noyau. Il y a un état profond qui s'est installé dans tous les pays alliés ou contrôlés directement ou indirectement par les États-Unis, du moins l'ancien régime américain. J'appelle ça, quand on en parle avec des amis, moi j'appelle ça l'état profond périphérique. Et nous sommes dans cet état profond périphérique. Alors, Marine Le Pen en 2022, ou bien nous aurons été enfoncés, ou bien les Juifs et l'état profond, parce qu'il y a quand même de sérieux liens entre eux, auront été défoncés par Trump. Cela dépendra de ce qui va se passer à la fin de cette année aux États-Unis et de ce qui s'en suivra aussi malgré tout. Et dans le cas de l'état profond qu'il emporterait, je ne vois pas pourquoi ils iraient favoriser une Marine Le Pen alors qu'ils ont sûrement d'autres candidats dans leur manche. Plus souple, plus orthodoxe à leurs yeux, bien plus encore orienté sur Israël que ne pourrait l'être Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, si elle passe et qu'elle pompe les Juifs, son parti, il ne va pas tenir le coup longtemps. Je ne serais même pas surpris. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tant la juiverie de gauche que de droite, enfin, comme elle aime à se présenter aux naïfs, en France hein, en tout cas, dès qu'il s'agit des problèmes qui sont en rapport avec l'organisation internationale, on va dire, hein, donc là, en l'occurrence les intérêts de la juiverie américaine, c'est on est en ordre de bataille resserré. Tout le monde tire dans le même sens. Hein. C'est valeurs actuelles, libération, ouais. Lucrif, ouais. Etc., etc. Donc le monde, Golnadel, le monde. Peut-être. Hein, le monde. Tout est enfin, les contraires de enfin les contraires apparents, les opposés oui. Qui se les grands gestes. Le clivage droite gauche et soudainement. Voilà. J'ai vu ça dans la presse l'autre jour. On nous a dit ceux qui font des débats ouais. Avec des grands gestes et des gros nez à la télévision, oui. Là, d'un coup, ils sont d'accord. Hein. Finement observé, cher Derrick. Je voyais l'autre jour Jérôme Fourquet. Fondation Jean Jaurès, socialiste, sous la coupe d'Anne Sinclair, qui a fait un bouquin très détaillé, d'ailleurs assez sérieux, sur le pourquoi du comment à propos de la disparition inévitable du clivage droite-gauche, être cité dans la grande presse, le même expliquant à un an de distance pourquoi le clivage droite-gauche restait d'actualité. Faut pas avoir peur, hein. Voilà, ce sont des prostituées. Ce sont des prostituées. Fourquet avait fait un travail très sérieux, je veux dire. C'était parce que ouais, on avait parlé d'ailleurs. Oui, c'était même pas polémique. Ce n'était pas polémique. Il a fait un boulot simplement de statisticien. Il a reçu un coup de téléphone. On lui a dit, écoute, bon, maintenant, oui, non, oublie. Ça existe, le clivage droite-gauche, d'accord ? Tu comprends ? C'est important que ça existe. Ah oui, d'accord, ok, très bien, ça existe. Ah bah du coup, ça existe alors. Voilà. Donc, vous avez la juiverie de gauche qui fait semblant de s'opposer à la juiverie de droite et qui vous est, les deux vous expliquant par ailleurs, sur le même ton, que l'ennemi maintenant, c'est la Chine, parce que quand même, il faut sauver les musulmans d'une province chinoise dans laquelle on foutra jamais les pieds, ni vous, ni moi, ni personne. Bah oui, notez quand même que ces gens-là sont... Alors bon, qui sont... Faut voir derrière le théâtre de ces oppositions-là. Donc là, ils se mettent d'accord sur le sort des Ouïghours, hein, de ces musulmans. C'est des Asiates mahométans. Hein, voilà. Asiates mahométans, c'est une espèce de truc assez improbable. Ils sont aussi d'accord pour dire que non, le racisme, c'est très mal. Là, oui. Ils sont tous d'accord aussi. Les uns vont être pour la négrification complète parce que voilà, c'est comme ça, les frontières c'est méchant. Les autres ont leur nègre magique qu'on transforme en français. Hein, donc c'est la croyance de la transformation du sale en propre, hein, une espèce de. C'est la saponification américaine. La saponification est plus efficace hein, pour certaines. Transformer le sale en propre, mais effectivement, il y a des théories plus tard. Mais voilà, donc il faut c'est bien de noter que les points sur lesquels ils sont d'accord et ceux sur lesquels ils sont pas d'accord, parce que les points où ils convergent sont clairement ceux qui nous concernent. Hein. Tout à fait. La race n'existe pas, ce n'est pas bien, les problèmes raciaux méchants. Voilà. Moi, j'ai envie de souligner un point quand même important, c'est avez-vous remarqué que les sémites ont un problème avec les races qui travaillent ? C'est-à-dire qu'au fond, là, le génocide qu'ils mettent en place en Occident, en encourageant la dénatalité blanche, en organisant... Je cite simplement là les termes de l'article de Libération, c'est-à-dire du journal de Drahi. Hein. Je reprends la terminologie d'un journal de gauche radicale. Hein. Je n'utilise pas la terminologie de la presse extrême droite. Hein. C'est bien... la terminologie utilisée par le journal Libération, qui est un journal d'ultra-gauche. Pas d'ultra-gauche, un journal de gauche radicale. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, voilà, vous utilisez la promotion, le planning familial, vous utilisez l'arrivée de migrants, vous utilisez la rééducation des enfants, ça c'est des critères qualifiants du génocide. Ok, d'accord, donc il y a un génocide dans le monde occidental. Si j'en crois Libération, il y a un génocide dans le monde occidental. C'est un fait, c'est observable. Bien, ça vise les populations blanches. Ils utilisent ce type d'accusation, ils essayent de nous faire croire que ça existe, donc en fait on n'est pas censé voir les bourreaux qui nous assassinent, mais on est censé blâmer le voisin pour un génocide qui n'existe pas, en l'occurrence en Chine. Et quel est le point commun entre la race blanche et la race jaune asiatique ? Les deux travaillent. Et c'est vrai que les juifs et les sémites en général ont un gros problème avec le travail. Les gens qui travaillent, les races qui travaillent, produisent, créent, innovent. Les sémites exploitent les autres, qui sont des prédateurs, qui sucent le fruit du travail des autres. C'est vrai contre la Chine et c'est vrai contre l'Europe. Et ça, il ne faut pas le perdre. Ils sèment l'Ukraine, enfin oui, ils détruisent. Hein, là où ils fomentent passent, la guerre. Enfin... Ils fomentent la guerre, regardez-les. Ils Bien essayent sûr. De créer de toutes pièces des conditions pour un affrontement entre l'Europe et la Chine, alors qu'il n'y a pas de conditions objectives pour un tel affrontement. Ces juifs sont le diable. Ce sont eux qui sont à la racine des guerres. Ne le perdez pas de vue, j'insiste sur ce point. Regardez-les faire. Oui, moi alors... je serais les Chinois aussi, je verrais un très mauvais œil le fait que ces juifs soient aussi virulents à l'égard de leur pays. Donc c'est vrai, si vous avez l'occasion d'informer les Chinois dans votre vie personnelle des méfaits absolument ignobles de cette race maudite, ben, n'hésitez pas, hein, c'est toujours bien d'avoir des gens qui n'aiment pas les juifs, hein, qui sachent de quoi ils en retournent. Alors, permettez-moi, parce que alors, la deuxième partie est très consistante, mais c'est une deuxième partie très, très antisémite. Mais il le faut. Ça, c'est un article qui est issu de La Dépêche. Et alors, je n'ai pas vu d'équivalent dans la presse française toutes ces années écoulées. C'est la première fois que je vois ça. Je vais vous le lire pour que vous puissiez en prendre toute la mesure. Et là, vraiment, ça va vous surprendre, je pense. Alors, manifestation pro-palestinienne à Toulouse, le président du CRIF critique violemment l'inaction de l'État. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF Midi-Pyrénées, Franck Touboul, a dénoncé à plusieurs reprises les rassemblements des militants de défense de la Palestine, particulièrement actifs à Toulouse, après une nouvelle manifestation mercredi soir, Square de Gaulle. Franck Touboul interpelle les pouvoirs publics pour en réclamer l'interdiction. Entretien. Première question. Une manifestation organisée par le collectif Palestine Vaincra a rassemblé mercredi quelques dizaines de personnes à Toulouse. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le préfet de l'Hérault a déjà décidé d'interdire une manifestation de ce type. Ensuite, la campagne des élections municipales a été polluée par ces activistes qui ont véritablement harcelé tous les candidats pour demander l'arrêt du jumelage Toulouse-Tel Aviv. Enfin, ce collectif se présente avec le soutien du Front Populaire de Libération de la Palestine, une organisation classée comme terroriste, et appelle au boycott d'Israël, ce pourquoi la justice a déjà prononcé plusieurs condamnations. Tout cela se produit sur l'espace public et on laisse faire. Oui, je ne peux pas m'empêcher de préciser que la justice européenne a décrété qu'il est parfaitement légal et légitime d'appeler au boycott de l'entité israélienne. Question suivante. Vous avez alerté le préfet de Haute-Garonne. Quels arguments vous a-t-il opposé ? Qu'il n'y avait pas eu de trouble à l'ordre public. Faut-il attendre que je laisse intervenir des militants de ma communauté pour démonter leur stand et ainsi caractériser le trouble à l'ordre public ? C'est du délire absolu. C'est d'autant plus scandaleux à Toulouse. Dans la ville où un terroriste a assassiné des enfants juifs, au nom de la défense des enfants palestiniens. Si un nouvel acte terroriste se produit, les autorités en porteront la responsabilité. C'est ce que j'ai dit au préfet de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à l'époque, et je vais interpeller le président de la République. J'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Je continue, donc il se croit important, hein, il pense pouvoir interpeller directement le président français, le chef de l'État français, hein. Pas vous, hein. Craignez-vous que des éléments de la communauté juive aillent à l'affrontement lors d'une prochaine manifestation de ce collectif ? Évidemment. Pourquoi nous, les juifs, on serait toujours les bons élèves ? Par leur attitude, les pouvoirs publics donnent une prime à la violence. Aujourd'hui, nos membres sont suffisamment remontés pour arrêter de se laisser marcher dessus. La dépêche, messieurs. Donc là, nous avons affaire, si vous voulez, donc on sort à peine de l'affaire Floyd, où on nous a expliqué le suprémacisme blanc. J'ai vu le jour dans Le Monde les micro-agressions que constituerait simplement le fait, en fait, d'être un blanc dans son propre pays qui s'interrogerait, tiens, d'où es-tu originaire? Ça, c'est une micro. Donc tu agresses les mecs qui t'envahissent. Ces gens-là qui sont donc occupés à construire un État suprémaciste juif en Palestine et colonial, hein, je veux dire, c'est l'apartheid, c'est tout ce qu'il y a de plus assumé. Hein. Ces gens-là s'expriment dans la presse républicaine, hein, qu'on peut assimiler à la presse juive maintenant, la presse communautaire, pour dire que voilà, hein, on va recourir à la force. Ça me rappelle un peu les communiqués de Tsahal, pour avertir le Hamas, vous savez. Oui, non, mais en plus, le préfet se fait menacer comme un dirigeant de l'autorité palestinienne ou du Hamas. Oui, oui, oui, oui, oui. Que, attention, attention, cher ami, vous allez, si malheur se passait, les conséquences seraient pour vous, hein. Donc c'est effectivement oui ça c'est le même style de communiquer donc ça, tout bout est gratiné de chez gratiné hein. Alors là c'est ah non juif non de non non juif. Ah non non non non non non, ah, non c'est un juif c'est un juif c'est qui un s'exprime juif. Quand il est en situation d'exprimer son judaïsme en toute liberté, voilà, c'est ça un juif. C'est-à-dire que quand vous voyez le judaïsme, c'est ça, hein, c'est voilà, pas c'est des vrai. Rabbins. Hein, il faut que les gens comprennent ce qu'est le judaïsme. C'est un état d'esprit. Vrai, c'est la religion du juif. C'est le juif lui-même qui s'aime. Hein. Un état d'esprit, un ADN. Exactement. Pierrot. Je vais vous faire écouter quelque chose, ouais. Je vais vous faire écouter un petit truc. Félicite, je suis reconnaissant au ministère de l'intérieur d'envisager une telle possibilité, parce qu'il n'est pas normal de laisser un humoriste, quelqu'un, dire que les chambres à gaz, en gros, n'ont pas gazé assez de juifs. Donc il faut des manifestations devant pour qu'il y ait pour que les tribunaux puissent considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public, pour que la décision du ministre de l'Intérieur et de la préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et... Voilà. Ça, c'était à l'époque de Valls, effectivement. Et c'est bien que tu aies mis ce point-là. Parce que c'est pas la première fois. Je crois que c'est à Bordeaux, ils avaient fait ça à l'époque. Oui, ils ne s'en cachaient même pas. C'est pas la première fois, Bordeaux, puisque c'est toute la genèse de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Hein. Oui. il faut créer un trouble à l'ordre public pour justifier l'intervention, oui. N'est-ce pas ? De l'autorité préfectorale. Oui, là, bon, c'est ça, c'est pour. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce que vient de dire Arnaud Klarsfeld, c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire de l'affaire Dieudonné, et c'est ce que nous explique Touboul, qui nous dit voilà, on va créer des troubles pour en accuser la victime. C'est l'histoire du Christ. C'est l'histoire du Christ. On le charge, on l'accuse d'avoir commis ça et ça et ça, on l'assassine. C'est les Chinois qu'on va bourrer voilà. D'islamistes dans leur province pour les accuser de génocide. C'est l'invariant. Hein, nous avons un problème avec ce peuple. Nous avons un problème avec ce peuple. Et quand je dis nous, c'est pas la France. C'est la France, c'est l'Europe, c'est maintenant la Chine, c'est l'Amérique du Nord. Le monde a un problème avec ce peuple. C'est la planète, c'est peut-être même le cosmos. Le monde musulman a un problème avec ce peuple. Même les nègres, sans regarder bien, ils ont des problèmes avec les juifs aussi. Donc, ouais. Alors, puisque je parle de solution, et j'en finis pour aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy était en déplacement en Libye, vous l'avez peut-être su. Vous savez, hein, il était bien, bien remercié. Bah, le meurtrier se rend toujours sur le lieu de son crime. Hein. Et alors, il s'est rendu en Libye. Je vous fais écouter un très court extrait. Le succès est au rendez-vous. On écoute et on se retrouve. Salut. الله الله أكبر يهود لاف ترونا دون الموت ترونا برند لافي مش مقبول ترونا الله أكبر عليك الله أكبر عليك تاني شو أنا عاجي الله يهودي. Alors, messieurs, Bernard et Lévy qui se fait traiter de chien de juif par des arabes en armes, se fait tirer dessus à la Kalachnikov. Je suis aux anges. J'adore la Libye. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un pays que je veux connaître ce pays. Si nous avons des amis libyens qui nous écoutent, j'adore votre pays, franchement. Depuis que vous avez dit que les juifs étaient des chiens, j'adore votre pays. C'est extraordinaire. Voilà. Enfin, c'est quand même assez connu, hein, mais Bernard-Henri Lévy, la guerre en Libye, enfin, l'attaque occidentale de la Libye. Parce que selon ses dires, ça, c'était bon pour Israël. Hein. Bon. Le suprémacisme juif, c'est-à-dire qu'il a dit, oui, assassiner des enfants arabes, des enfants musulmans, verser du sang de bébés musulmans dans le caniveau, quoi, hein, avec des bombes, des balles, c'est bon pour Israël. Il a dit, voilà, quand les bébés meurent, c'est bon pour Israël, le sang des bébés est bon pour Israël. Et moi, c'est un propos qui ne m'a pas laissé indifférent, c'est un propos qui m'a marqué à l'époque. Et 10 ans plus tard, je m'en souviens encore, parce que nous sommes 10 ans après les faits, et le pays est toujours à feu et à sang, il y a toujours des bébés musulmans qui meurent du fait de ce que Bernard-Henri Lévy a voulu verser le sang des bébés musulmans. Et... Bah, il est toujours là, il circule, et en Libye, ils ont voulu l'abattre. Ils ont voulu détruire son convoi, ils ont voulu l'assassiner à la Kalachnikov en le traitant de chien de juif. On retrouve dans sa déclaration, hein, que tu viens de citer, une similitude très forte avec ce qu'avait dit Madeleine Albright, alias Maria Jana Campbell, vice-présidente sous Bush, le premier Bush, je crois, hein. Ou le second, je me rappelle plus, qui disait que la vie de 500 000 enfants victimes de la guerre valait la peine, ne comptait pas. Non, face l'embargo, à la... l'embargo, c'était l'embargo, cher Fulbert. Oui, l'embargo, exact, sorry. Enfin voilà, elle crachait sur 500 000 d'enfants irakiens morts dus à cet embargo. Alors on lui a demandé est-ce que ça les vaut, elle avait dit oui, ça les vaut. C'est ça, exactement. D'ailleurs, la vidéo, je crois, a disparu, et si vous essayez de la mettre en ligne, elle disparaît. Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Internet, il est cassé. C'est un bug. The link is broken. Tu vois. Messieurs, nous allons nous séparer, mais avant de nous séparer, j'aimerais vous demander un mot à propos des Juifs. Sale juif. Derek. Écoutez, profitez bien, ça va pas durer. Hein. Non, mais disons que les juifs, on dit cochon de juif parce qu'ils font des pratiques bizarres. Hein. Bon, on connaît tous la représentation du juif têtant les mamelles de. À la Judenzau. Il est. La Judenzau. Il y a une ça, ouais. Voilà, la Judenzau, donc, germanique, oui. C'est vrai, qui sont sur les cathédrales qui brûlent. Bon, oui, pas les mêmes, hein, mais. Effectivement, il y a des liens. Il faut toujours rebondir, hein, tu vois. Moi, je pense que ce sont les Juifs qui ont brûlé Notre-Dame de Paris. Voilà. Non, mais je vous le dis, voilà, c'est bon, je vous le dis, je pense que ce sont les Juifs qui l'ont brûlé. Ils l'ont fait brûler par un tiers, un pauvre bougre qu'ils ont trouvé par là, mais les Juifs l'ont brûlé. Par vengeance. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.